13 février de l'année 2022. Voici la date où est fait cet enregistrement que je réalise en compagnie d'Olivier, qui est entraîneur sportif, et ici David, naturellement, au micro, qui vous salue, peu importe l'endroit où vous vous situez dans le monde au moment où ce que vous allez entendre ces paroles. Donc, c'est un enregistrement qui vise une discussion en conscience, où on risque de couvrir de nombreux sujets, dont notamment là, la crise sanitaire. Donc, tout d'abord, bonjour Olivier, ça va bien? Bonjour David, ça va très bien, toi? Oui, excellent. Donc aujourd'hui, je veux t'amener à te prononcer sur plusieurs sujets d'actualité. On est dans une période sans précédent là, au niveau mondial et présentement, les yeux, les regards des gens à l'international sont braqués sur le Canada et notamment là, par rapport au mouvement là, des convois de la liberté. Je dis convoi parce qu'il y en a un qui a eu cours à Québec là, récemment, possibilité qu'il y en ait un autre pour la ville de Québec et également à Ottawa. Donc, ça fait quand même plusieurs jours que les camionneurs manifestent accompagnés de gens de la population et donc les gens qui sont opposés aux mesures sanitaires et le mouvement des convois de camions. On fait des petits récemment à Paris. En France, il y a eu des manifestations. Il y en a eu à d'autres endroits dans le monde, je pense notamment à l'Allemagne. Donc, par rapport à ce mouvement-là des convois, ben, je veux t'amener, entre autres, à te prononcer sur la crise aussi en général. Et étant donné que présentement, il y a beaucoup de censure qui s'opère sur le web, eh bien, ce que je mentionne aux gens, c'est que pour écouter l'entrevue en totalité en compagnie d'Olivier, eh bien, il va falloir vous rendre sur ma chaîne Odyssey et vous allez pouvoir retrouver le lien en bas de l'enregistrement présent pour l'écouter en totalité parce que l'objectif aujourd'hui, en parlant avec Olivier, bien, c'est de lui permettre de s'exprimer librement, chose qui est de moins en moins possible là, de faire là, sur le web, étant donné qu'il y a beaucoup de censure. Donc, cette petite mise en contexte qui est faite, eh bien, on va débuter proprement dit. Tout d'abord, Olivier, par rapport au phénomène des convois, qu'on voit beaucoup dans les médias de masse présentement, puis aussi à l'international, donc une grande visibilité, une grande attention médiatique qui est tournée vers ça. Donc, tout d'abord, je voulais savoir, qu'est-ce que tu pensais de ce phénomène social sans précédent? D'abord, je trouve ça très intéressant le fait que ce soit les truckers qui aient amené ce mouvement-là. Bien sûr, je vais en parler de ce que je sais, là, basé sur ce que j'ai étudié des nouvelles, des gens que j'ai parlé là-bas, puis de un peu mon observation personnelle. Ça m'étonne pas vraiment que ça vienne de ça, parce que des camionneurs, c'est comme le sang du pays. C'est ce qui fait circuler toute la marchandise. Toutes les matières, tout ce qu'on a de besoin, dans le fond, circule avec des camions, en tout cas un haut pourcentage. Oui. Puis, ben, ces gens-là, ils se parlent, puis ils voient toutes sortes d'environnements. Donc, il y a beaucoup de choses qui, d'après moi, ils ont observé, ils ont vu quelque chose qui marchait pas, puis ils ont généré une certaine forme de manifestation envers les mesures. Ensuite de ça, qu'est-ce que ces gens-là, ils veulent éventuellement, c'est la liberté. Je pense que c'est un mouvement oppositionnel qui est intéressant, mais il y a quelques failles à l'intérieur qui vont faire en sorte que, j'espère en tout cas, que ça ne devienne pas détruit. Tu sais, si on veut, la beauté de ce qu'il y a en ce moment, des familles, des gens qui se réunissent ensemble, mais ce qu'on sent qu'il y a beaucoup de tensions entre le gouvernement et la population, puis moi, ça m'inquiète un peu qu'il y ait trop de pression puis qu'éventuellement, il y ait de quoi qui pète. Oui, bien peut-être qu'on va atteindre un point de rupture, entre autres de l'adhésion de la population générale là, à l'égard du narratif officiel par rapport à la crise, dans le sens qui est éventuellement la désobéissance civile. C'est-à-dire que au moment où on se parle, bon, les salles d'entraînement, les gyms sont sous le point de réouvrir là, pour le 14 février, mais il y a quelques jours, il y avait des gens qui parlaient de la possibilité de réouvrir de manière illégale là, les salles d'entraînement. C'est que ce que j'observe, c'est que beaucoup de gens sont contre les mesures de plus en plus, surtout vu la condition de la société en ce moment, versus la force du virus, versus la population de gens qui sont injectés. T'sais, les gens ils se font fermer des places où est-ce qu'il y avait le droit d'aller avec un passeport vaccinal. Fait que c'est évident qu'il y a de plus en plus de gens qui sont fâchés. Puis ces gens-là, ils se rassemblent ensemble, puis ça crée des polarités très fortes entre deux parties de la société. Puis le problème, il est là d'abord. Puis les forces astrales qui travaillent à travers le gouvernement, à travers les consciences humaines, veulent créer cette tension-là polaire entre le bon puis le mal, puis l'injecté et le non-injecté. Toujours la polarité l'un de l'autre. Une grosse tension entre les deux pour défracter l'énergie. C'est comme ça qu'ils font défracter l'énergie. Fait que le but, c'est pas de rentrer nécessairement dans des mouvements comme ça, mais plutôt d'agir basé à partir de sa vibration. Fait que tu sais, tu es dans un contexte où ce qui requiert des passeports vaccinaux, ben de temps en temps, tu en laisses passer qui n'en ont pas. Juste pour maintenir l'ordre. Puis en même temps, tu te fais pas pogner, tu crées pas de problème. Puis tranquillement, pas vite, les gens, ils se parlent, puis ça serait comme ça que on pourrait se débarrasser de ces mesures-là, mais il y a beaucoup d'individualité dans la société qui fait en sorte que chaque personne veut croire sa propre histoire, puis il y en a qui se rassemblent ensemble sur une histoire, puis une autre sur d'autres, mais essentiellement, ça génère pas de changement, ça. Oui, ben Ça. quoique, moi j'ai l'impression qu'on est au point d'un tournant de changement dans le sens que avec le convoi à Ottawa, puis également le convoi qui a eu cours à Québec là, il y a quelques jours, on a vu le gouvernement du Québec reculer, entre autres par rapport à l'impôt qui était supposé de faire pour les non-injectés. Donc, il n'a pas été de l'avant avec cette mesure-là. Et moi, j'ai l'impression qu'il sent la pression sociale par rapport aussi au fait qu'il a accéléré le rythme du déconfinement, là. C'est évident qu'ils sentent la pression, puis surtout pour les sondages pour les élections provinciales de 2022, ouais, c'est ça, octobre 2022. Oui, exactement. Fait que moi, j'ai l'impression que la stratégie des camionneurs de faire un siège à Ottawa, puis la possibilité de menacer d'en faire un aussi à Québec, proche du Parlement, ça fonctionne dans le sens que on parle d'eux dans les médias, tandis que l'été passé, dans les derniers mois, tu l'as vu comme moi, il y a eu des grandes manifestations à Montréal. Il pouvait y avoir 10 000 personnes, 50 000 personnes. On n'en parlait pas du tout dans les médias, alors que là, les camionneurs qui occupent les rues, là, on en parle. Ouais, mais c'est pour ça que je te disais tantôt, avant l'enregistrement, que je m'étais distancé beaucoup de ça parce que il va falloir que les gens se prennent en main individuellement. C'est vraiment ça le nerf de la guerre, là. T'sais, c'est beau, là, manifester, puis tout ça, là, mais dans le quotidien, si tu es dans une position qui te permet d'enfreindre les règles qui n'ont pas d'allure de temps en temps, ben faites-le. C'est de même que ça commence. C'est beaucoup plus simple qu'on le pense, mais ça requiert une certaine identité pour être capable de soutenir son mouvement. Puis c'est ça que le monde n'a pas, puis c'est ça que je déplore des manifestations, c'est que beaucoup de gens n'ont pas la force de soutenir leur propre mouvement par rapport à leur environnement, leur travail, tout ça, puis de se tenir selon leurs principes. Donc, ils vont se réunir avec d'autres personnes pour espérer créer une force oppositionnelle. Puis c'est le cas, ça en crée une, mais ça n'en crée pas une qui est. Si on veut, qui va devenir viral. Parce que si chaque personne dans son milieu de vie commence à être un petit peu plus lousse avec les mesures, puis moins C'est draconien. ça, mais ça peut être les deux combinés. C'est-à-dire que la personne agit concrètement dans son quotidien, justement, en soumettant peut-être pas au passeport ou en n'amenant pas les autres à se soumettre à ça. Puis en même temps, ben, elle peut manifester aussi. Puis la combinaison des deux peut faire reculer le gouvernement. Oui, je suis d'accord avec toi. Bon. Mais il faut que tu ailles la vibration pour manifester. Moi, je pense que certaines personnes l'ont, certaines personnes l'ont pas. Puis ceux qui manifestent peuvent faire les deux, dans le sens qu'il y a un mouvement dans le quotidien, autant qu'un mouvement collectif de résistance. Puis il y a aussi des gens qui vont faire le mouvement de désobéissance civile sans assister aux manifestations, parce que à un moment donné, les manifestations, c'est comme un gros party dehors, puis il y a du monde qui aime ça, les gros party dehors, puis d'autres qui aiment moins ça. Oui, exactement. Mais néanmoins, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en termes de rapport de force entre les opposants aux mesures et le gouvernement, c'est que là, on observe des percées avec les camionneurs, alors que quand c'était les gens qui manifestaient dans les rues dans les derniers mois, ça donnait rien. Ouais, mais jusqu'à quel point une mesure de force? Parce que si tu sais comment tout est structuré au niveau de la haute finance, puis comment que le système fonctionne, techniquement, la population, elle a aucun droit puis aucune capacité de défendre de quoi que ce soit, là. Ben, C'est les... c'est-à-dire que moi, je serais pas aussi pessimiste que ça, dans le sens que si je regarde qu'est-ce qui a eu cours avec l'exploitation des gaz de schiste au Québec, le fait que les gens ont manifesté contre ça, qui aurait créé beaucoup de pollution liée à la fracturation du schiste dans les sols, ça a fait que ça n'a pas été possible que ça soit exploité au Québec, puis ça a permis de préserver le territoire. Je suis d'accord avec toi. Il y a toujours de la place pour de la manifestation. Mais faut regarder les chiffres. T'sais, c'est l'argent qui run le monde. Okay? Donc, c'est évident que quand tu as des banques privées, des banques de commerce qui prêtent de l'argent aux banques commerciales, à Wall Street, à 0% d'intérêt pour investir dans n'importe quel lobby qu'ils veulent investir, pour pousser un agenda qu'ils veulent pousser. Ça, c'est l'argent. Tu peux voir les mouvements de l'argent sur Internet. Tu n'as pas besoin d'être un complotiste ou quoi que ce soit. Je regarde le mouvement de l'argent. C'est qui en a le plus, puis c'est qui en bouge le plus, puis dans quelle direction. Puis quand tu vois des directions qui sont poussées, ben c'est pas optimiste. Peut-être que temporairement, il y a une pause, mais jusqu'à quel point? Bien, c'est sûr qu'en lien avec ça, ce que je te dirais, c'est que si sous la pression populaire par rapport au convoi là, à Ottawa, si ça perdure dans les prochains jours, la pression du gouvernement, même chose pour au Parlement de Québec, les manifestants s'y reviennent en fin de semaine prochaine, puis ils réussissent à faire reculer le gouvernement, puis les mesures tombent. Tu sais, je me permets de rêver, parce qu'après tout, en Danemark, en Suède, dans le sud aussi des États-Unis, il y a plein d'endroits qui n'ont pas de mesures. Fait que même si on arriverait à ce stade-là, au niveau financier, par rapport à l'endettement qui a eu cours dans les 2 dernières années, on parle de plusieurs milliards au niveau du Canada, ça fait en sorte que les banquiers internationaux puis les forces mondialistes ont une emprise sur nous qui est beaucoup plus grande qu'avant la crise. Ben c'est évident parce que si tu regardes le Québec, la raison du Québec de façon occulte, tu réalises que c'est bien la raison pourquoi qu'ils contrôlent le plus. Ben, le Québec est endetté comme le Canada. Moi, Non, je... non, non, non, non, non, je parle pas de ça. Je parle de l'aspect, c'est un point précis, ça, le Québec. Il y a un centre d'énergie au Québec. Il y a une volonté, il y a un feu au Québec qu'il n'y a pas nulle part dans le monde, puis il y a des ressources au Québec qu'il n'y a nulle part dans le monde, en quantité. Fait que le Québec, là, c'est comme un pays qui n'a pas été découvert, on dirait, par les colons encore. Puis là, ils ont une emprise très, très, très, très forte sur leur Québec, parce que je peux pas croire que les politiciens seraient aussi idiots, là. Il faudrait vraiment avoir aucune conscience pour agir comme ça. Il faut certainement qu'il y ait une pression derrière qui dise qu'il faut maintenir certaines mesures au Québec. Il y a quelque chose, il y a une raison pourquoi. Ah, ben, il y a le réseau de la santé qui est très faible. Ça fait au-dessus de 20 ans que les urgences débordent en début de mois de janvier puis de février. Puis, Je comprends, mais les intentions sont pas dans le système de santé par rapport au gouvernement parce que l'argent va pas dans le système de santé. Il en va une très grande partie, là, soit à peu près, je pense, 51 milliards par année. Mais pendant la pandémie, les gouvernements n'ont pas investi de façon majeure pour faire un changement dans le système de santé. Ils ont investi des millions de dollars dans de la couverture médiatique. Ils ont investi dans l'achat de matériel, toutes sortes de patentes, mais toujours un coup en arrière. C'est toujours en retard, jamais assez sharp, toujours du gaspillage, toujours des pertes. Jamais d'optimisation. Fait qu'il y a comme un processus de sabotage qui est en place au Québec, je ne sais pas depuis combien de temps, mais il y a vraiment quelque chose qui empêche cette population-là puis cette place-là de grandir. Parce que moi, je regarde dans mon environnement, il y a du monde qui ont du potentiel, il y a des gens qui ont de la vision, il y a des gens qui se partent des business à partir de rien, mais ils sont toujours bloqués par le système au Québec, qui est beaucoup moins ouvert que, mettons, les provinces anglophones au Canada, puis les États-Unis, puis tout ça, parce que, premièrement, il y a une barrière de langage, puis il y a une barrière culturelle aussi. Fait que ça empêche énormément l'émancipation de cette province-là. Puis tu sais, quand le monde parle de souveraineté, puis tout ça, c'est bien beau, là, la souveraineté, mais t'as peu. Tu sais, d'abord, faut apprendre à ramper avant de marcher, puis avant de courir, là. Non, exactement. Mais c'est sûr que par rapport au Québec, on est une province qui, un peu à l'image de la France, on a des politiques plus de gauche, interventionnistes de l'État dans la vie des citoyens, la bureaucratie, tandis qu'aux États-Unis ou dans le reste du Canada, c'est plus à droite. C'est une façon différente là, d'appréhender le rapport aussi avec le gouvernement, dans le sens que les gouvernements sont moins interventionnistes. T'sais. Au sud des États-Unis, les gens vont dire ben, moins il y a d'ingérence gouvernementale, mieux c'est pour les gens qui sont plutôt républicains que démocrates, là. Ben, tu sais, c'est ce qui leur permet d'avoir un peu plus de latitude au niveau d'imposer ou de ne pas imposer des mesures. C'est quand tout le système quasiment est privatisé, ben, c'est de l'autogestion, tu sais. Chacun se gère. Si t'as pas d'assurance santé, t'es à risque de COVID, ben, aux États-Unis, il y a peut-être, tu sais, tu vas faire de quoi de ta vie, là. Tu vas te protéger, tu sais, tu vas faire attention parce que tu sais que t'as pas d'assurance. Fait que, tu sais, il y a comme déjà un mouvement là-bas où ce que l'individu doit se responsabiliser plus qu'ici. Ici, c'est gouvernemental, là. Tu sais, on fait tout à ta place, toutes tes affaires, toujours prendre en charge, te dire comment mettre un masque, te dire comment laver tes mains, te dire, tu sais, ça finit plus, là. Tu sais, c'est tout le temps en train de te dicter comment faire, des limites de vitesse maximale, limites de vitesse minimale. Tu sais, tout plein d'affaires qui font en sorte que tu viens bien au ralenti. Ben, c'est ça l'effet pervers de l'interventionnisme. Comme approche au Québec, qui va à l'encontre de la volonté d'entrepreneuriat ou d'indépendance, où ça détruit beaucoup le domaine des affaires. D'ailleurs, les dommages collatéraux par rapport aux mesures de crise, c'est que ça diminue la croissance du PIB du Québec là, à comparer là, des autres provinces canadiennes ou des États-Unis là, en particulier. Ben oui, puis comment je dirais ça donc? Il y a de plus en plus de gens qui semblent vouloir un petit peu plus d'autonomie dans la société, un peu plus de liberté, puis d'autres qui en veulent pas pantoute. Parce que c'est facile quand un être humain n'est pas responsable de sa vie parce qu'il n'a pas de sa conscience, il ne se possède pas dans sa conscience, ben c'est évident qu'il veut s'en remettre à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre. Souvent, c'est des croyances, puis ça nourrit suffisamment l'individu pour qu'il continue à travailler, puis à faire ses affaires. Puis il n'y a pas vraiment la mise en vibration qui lui fait poser des questions comme certaines d'autres personnes. Fait que ça, c'est des lois d'énergie. Il y a toujours des gens qui vont résonner plus, puis d'autres qui vont résonner moins. Puis ça fait partie du plan évolutif. Puis il y a toujours une masse critique inconsciente qui va avoir sur le globe. C'est impossible qu'il y ait une masse critique d'être conscient dans une société évoluée. Moi, je vois pas ça, là. Non, ben surtout que c'est un phénomène individuel. Par contre, c'est sûr qu'éventuellement, quand il y aura plusieurs personnes d'individués, ben ça va être un groupe qui va prendre plus de place en société. Je sais pas. Peut-être que tu as raison. Je peux pas me prononcer là-dessus, j'ai pas de réponse. On verra bien, comme on dit, là. Oui. Mais Je le souhaite, mais ouais. je pourrais pas. Je Mais de pourrais toute pas dire. façon, il ne faut pas compter là-dessus de connaître ça de notre vivant, parce que ça peut prendre beaucoup de temps avant que ça arrive, là. Ben exactement, ça nous ramène à quoi? Ça nous ramène à reposer sur notre propre énergie. Reposer sur notre conscience, reposer sur qu'est-ce qu'on a, qu'on reçoit intérieurement comme information pour avancer. Parce que l'information est toujours disponible à la personne qui est capable de l'entendre. Oui. Mais par rapport à la crise présentement, parce que c'est assez particulier, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé au mois d'août, il y a eu toutes sortes de choses quand même assez drastiques, de mesures de contrôle, dont notamment l'implantation du passeport vaccinal, là. Ouais. Puis, dans le fond, je voulais avoir ta perspective sur le passeport, parce que moi, la façon que je vois ça, puis tu me diras ce que tu en penses, c'est une forme. Dans le fond, de manipulation pour amener les gens à l'identité numérique, voire au crédit social, puis amener les gens à penser que c'est normal qu'ils se fassent injecter plusieurs fois par année pour renouveler le passeport, là, éventuellement, puis que, tu sais, tout le monde présente son identité partout, avec le passeport. Ah, c'est un gros racket, puis c'est correct dans le sens que je comprends. Moi, je veux pas me positionner sur l'injection, je veux pas me positionner sur les valeurs politiques de ça, mais je te dirais que dans le fond, ce qu'on observe, c'est que J'ai perdu le fil. Qu'est-ce que tu disais? C'était quoi donc ta question par Oui, rapport au passeport ben, on va vaccinal? garder ça le plus simple possible. Qu'est-ce que tu penses du passeport qui a été imposé au Québec, en France, dans différents pays? C'est quelque chose pour tester comment que la société pourrait fonctionner à partir de la technologie uniquement. Tu sais, dans le fond, là, quand tu regardes l'endettement par pays, ça a commencé avec l'arrivée de l'informatique. T'sais, si tu regardes les courbes d'endettement, puis dans le fond, de l'endettement, c'est pas de l'endettement, c'est de l'argent qui est créé dans le système à partir des banques centrales. Ben, cet argent-là, au début, était très physique, avait une certaine valeur avant, backé par un métal précieux. Puis Ben, à un ça moment donné, ils ont s'appuyait enlevé ça sur en 61. l'or, puis à l'origine, les billets étaient payables au porteur. C'était inscrit Exact. ça sur les billets, comme de quoi que si quelqu'un présentait un billet d'argent à la banque, il pouvait se faire donner la quantité d'or qui équivaut à la valeur du billet, alors que là, c'est de l'argent scriptural, puis ça repose sur rien. Il fut un temps pendant la guerre du Vietnam où ce que ça reposait vraiment sur rien parce qu'il en imprimait à partir d'une promesse quasiment. Puis éventuellement, ben la technologie a évolué au point où ce que les ordinateurs ont commencé à arriver. Puis plus la technologie s'est développée, plus la quantité d'argent scriptural a augmenté. Puis aujourd'hui, je pense qu'on est à 97% d'argent scriptural puis 3% d'argent physique ou de fiat physique. Fait que ça donne une idée de comment que il peut avoir un contrôle sur l'argent juste à cause d'une introduction de la technologie dans la vie des humains par rapport à l'argent. Ben là, on s'en va à un autre niveau. Selon moi, puis je sais que c'est plate de dire ça, mais je pense qu'on a toujours, depuis qu'on a notre naissance, qu'on est né sur la Terre, on était esclave de quelque chose. Parce qu'il y a toujours du monde qui sont arrivés avant. Puis il y a toujours du monde qui ont été opportunistes, puis qui ont profité des événements à leur avantage, puis qui ont bénéficié. Puis ces gens-là ont eu des enfants, ils ont légué, puis ils ont légué, puis ils ont légué. Puis là, les temps arrivent éventuellement au temps moderne. Puis il y a des gens qui ont une plus grosse partie de la tarte que d'autres. Puis ces gens-là, ben, ils testent des affaires. Ils ont une prise de décision à partir d'un certain groupe fermé d'individus. Puis ils testent des choses pour la société. Puis je pense que nous, malheureusement, on est pogné là-dedans parce que qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On travaille pour de l'argent qui vaut rien. Puis on espère de se protéger puis d'investir dans l'immobilier ou dans des choses qui vont grandir en valeur, mais c'est toujours basé sur un système financier et de l'argent qui est créé par un cercle fermé d'individus qui décident la quantité qu'il y a, puis où est-ce qu'elle s'en va. Oui, ben c'est sûr que c'est ceux-là qui contrôlent le système de création d'argent puis de l'endettement qui en est le corollaire, qui, dans le fond, c'est eux autres qui sont en puissance. Ben oui, puis c'est des familles qui datent du 19e, 18e siècle, des liens familiales de long terme, de la richesse accumulée à travers le temps. Puis la valeur des possessions à cause de la rareté, parce que t'accumules beaucoup excusez-moi, t'accumules beaucoup de ressources avec le temps, des territoires, toutes sortes de choses. Puis là, éventuellement, ben là, il y a plus de monde, fait que ça prend plus de valeur. Puis là, ben ça, c'est légué à d'autres personnes, qui s'est légué à d'autres personnes. Puis je pense qu'il y a des gens qui se sont positionnés de façon stratégique lors de la création des banques, puis de la création de la finance dans les pays occidentaux. Puis depuis ce temps-là, d'après moi, il y a un contrôle, il y a une mainmise sur le mouvement. Parce que si on avait vraiment des gens qui seraient dans le respect de l'individu, on paierait les gens des salaires plus grands, puis on les inciterait moins à s'endetter. Mais à la place de ça, les grosses corporations, puis le big money, ils payent des très bas salaires à des gens qui travaillent dans des corporations, ils gagnent des grands profits, puis après ça, ils utilisent cet argent-là, puis ils le prêtent à intérêt. Fait que tu sais, c'est comme si tu te fais doublement faucher ton Exploiter. argent. Tu sais, tu te fais exploiter à ta paye, tu te fais exploiter après ça parce que t'as pas assez de paye pour vivre comme du monde parce qu'eux autres font monter les prix de tout. Fait que là, toi, tu t'endettes. Fait que là, tu dois de l'argent plus d'intérêt. Puis même si tu payes comme du monde, c'est un très faible pourcentage de la population qui paye comme du monde. Puis en plus de ça, ben, t'as le gouvernement qui imprime de l'argent, là, comme il se peut plus, qui fait baisser ton pouvoir d'achat. Moi, avec Fait que l'inflation. la vie matérielle, c'est une forme d'esclavage, mais si la personne est dans son énergie, puis elle a une certaine ouverture, puis elle a un contact avec sa paix, puis son amour intérieur ou son bien-être intérieur, mais c'est plus facile de naviguer là-dedans. Parce que tu le regardes pas de façon émotive, puis tu réalises que tu es sur une planète d'expérience, expérimentale, où est-ce que toutes sortes de choses vont se passer, puis c'est ta responsabilité de te protéger des choses qui vont brimer dans ton énergie. Mais ça requiert une certaine prise en charge de ses craintes. Parce que c'est le nerf de la guerre, c'est vraiment la prise en charge de ses craintes. Tant aussi longtemps qu'il y a des craintes beaucoup dans le mental, ben la confrontation à des événements où ce qui peut avoir de la tension devient plus difficile parce qu'il y a déjà des tensions préalables dans la mémoire de l'âme de l'individu qui l'empêchent de pouvoir accéder à cette énergie-là pour se mettre en mouvement à cause qu'elle est prisonnière d'une crainte. Oui, puis c'est un cercle vicieux. Plus que la personne est fragilisée, moins elle est capable de faire face à l'adversité. C'est sûr que quand on regarde aussi tout ce qui est le domaine financier, c'est très tordu. Tu sais, quand on regarde avec la crise, qu'est-ce qui se passe? Ben, le gouvernement utilise des millions de dollars à chaque mois pour financer des campagnes de publicité pour nous convaincre que le virus est dangereux, de se faire vacciner, de porter le masque, de ci, de ça. Donc, on prend ton argent, puis on l'utilise. Toi, si tu n'adhères pas au discours, on utilise ça comme compte-toi pour te faire adhérer à des mesures. Donc, c'est comme reprendre ton énergie comme un judoka puis essayer de la retourner contre toi pour t'amener à te soumettre à des mesures qui, peut-être, a priori, tu ne voudrais pas embarquer. Ben exactement. Puis automatiquement les gens acceptent parce que beaucoup de gens aiment ça être en congé. Fait qu'ils vont accepter le fait de pas travailler. Ils vont accepter de recevoir de l'argent, rester à la maison. Puis il y a d'autres personnes qui aiment moins ça, puis d'autres personnes qui continuent de travailler parce qu'ils sont pas affectés. Fait que ça crée toutes sortes de mentalités dans la société, ça. Des gens qui ont travaillé beaucoup pendant la pandémie versus des gens qui ont été à la maison à jouer Xbox, mais ils n'ont pas la même vision de ce qui s'est passé. Fait qu'il y a toutes sortes de clashs qui s'est généré dans la société qui a fait en sorte que chacun. Moi, je pense que ce qui a été vraiment beau là-dedans, c'est que beaucoup de gens ont pris le temps de se poser des questions, puis de lire, puis de rechercher, puis d'apprendre des choses qui peut-être faisaient même pas partie de leur champ de connaissances à la base. Puis se sont fait une opinion à partir de plusieurs sources d'informations différentes, puis de ce qu'ils ressentent. Puis il y a eu d'autres personnes qui ont acheté la machination parce que déjà ils étaient dans la machination. Fait que c'est toujours, je te dirais, un espèce de ratio 60-40, plus ou moins. Tu veux dire? De gens qui suivent le troupeau, mettons 60% qui suivent, 40% qui sont en résistance. Par rapport à ça, si je le regarde par rapport au nombre de noms injectés qu'on nous dit, on dit que c'est à peu près 10% de la population qui sont pas vaccinés, puis 90 le sont. Fait que moi, j'ai l'impression qu'il y en a peut-être moins que 40%, mais encore là, c'est sûr qu'il y en a parmi qui se sont fait vacciner. C'était pas un consentement libre et éclairé réel, dans le sens qu'ils l'ont fait sous la menace puis la contrainte. Ah oh ben, je suis 100% d'accord avec toi parce que vois-tu, dans mon entourage, deux personnes proches de moi, mes deux parents qui étaient contre, éventuellement ont fini par flancher parce que la pression est grande. Puis je les comprends aussi parce que, tu sais, il y a leur âge, le fait qu'ils veulent voyager, ils veulent profiter du temps qui leur reste à vivre de façon à avoir une belle qualité de vie. Puis fait que je comprends là, qu'il y a des gens qui sont mis sous pression, mais ils comprennent aussi ces gens-là qui sont vaccinés qu'il y a quelque chose qui roule pas rond derrière. Tu sais, oui, ils sont allés, mais ils sont pas 100% avec le narratif. Fait que d'où le 60-40, mais t'as raison que c'est sûr qu'avec l'environnement, il y a des gens qui ont beaucoup de pression sociale, donc ils n'ont pas le choix d'y aller. D'autres personnes sont capables de soutenir la pression sociale puis de pas succomber. Fait que mais je pense que les mentalités il y a la plupart surtout en ce moment là, de beaucoup de gens ils sont en train de se réveiller là, puis de voir, hey, crif, il y a de quoi qui marche pas là. Quelque chose qui marche pas ici. Ben oui, parce que là, le gouvernement, depuis près de 2 ans, ont fait miroiter beaucoup de choses à la population. Tu te rappelles au début, ah, c'est un petit 2 semaines de confinement. Finalement, 2 semaines devient 2 mois, puis finalement, ça fait presque 2 ans qu'on est en état d'urgence sanitaire au Québec, puis une partie des libertés individuelles sont suspendues au nom de la menace du virus, puis il n'y a pas de débat à l'Assemblée nationale de ça. Puis, tu sais, ça a toujours été, ah, ben c'est juste sur le port de masque, mais c'est temporaire. Puis finalement, ben, quand il va y avoir un vaccin, vous allez voir, là, vous allez retrouver la liberté. Finalement, il y a eu le vaccin. Ça prend 75% des gens injectés pour le vaccin. Puis là, ça prend deux doses. Puis après ça, c'est 90. Puis là, après ça, là, il y a la troisième dose. Puis là, j'ai l'impression que s'il n'y aurait pas les manifestations présentement qui ont cours à Ottawa, le gouvernement serait en train de nous dire, ben là, ça va prendre la troisième dose pour renouveler votre passeport vaccinal, comme qu'ils ont fait en Israël puis en France, sinon vous le perdez. Mais ça, c'est foutu parce que ils ont trop vendu la deuxième dose, c'est la liberté. C'est ça le problème. Ils se sont tirés dans le pied avec ça. Ils n'ont pas mis l'emphase sur, ah, ça va être un vaccin multiple doses. Ils ont dit deux doses, là, à 75%, vous allez être libre. Ouais. Fait que là, le monde a couru vers ça. Puis après ça, ils ont dit, ah, finalement, ça va être 85. Puis là, le monde, ah, non, 95, finalement. Ah, non, 105, finalement. Attends, mais tu sais. Fait que là, ils ont perdu le contrôle. Fait que là, le monde sont tout allés bien vite. Puis là, ils ont eu de la pression pour la deuxième dose, mais ils ont accoté là, le cylindre de la société. Là. Le peuple québécois était accoté au maximum là, avec la deuxième dose. Fait que là, il n'y a plus beaucoup d'énergie pour la troisième déjà, parce que ces gens qui ont, ils se sont fait dire, prends ta deuxième dose, c'est la liberté. Tu as un Ouais. passeport vaccinal, là, tu as le droit d'aller dans le gym, là, t'as plus on va alors, des gens non vaccinés, là, des sous-races là, qui n'ont plus le droit d'être avec toi. Là. Puis là, toi, tu penses que t'es libre, puis t'es protégé. Finalement, grosse éclosion d'Omicron, on ferme tout ça. Toi, t'es double dose, t'as plus de gym, t'as plus de restaurant, t'as plus de job. T'es allé là pour la liberté, tu le voulais pas le vaccin, ben c'est évident que là, t'es en tabarnak, là. Ben c'est ça, les gens se sont sans doute sentis trahis, puis plus particulièrement lorsqu'il y a eu dans le temps des fêtes le retour au couvre-feu pour la veille du Nouvel An, pour le 31 décembre. Il empêche tout le monde de se réunir, alors qu'au mois de décembre, il disait « Ah, vous allez pouvoir réunir 20 personnes », ensuite ça tombait à 10 personnes, puis après ça, à zéro. Ça, c'est cruel, ça. Ça, c'est vraiment, honnêtement, quand je le regarde, là, mettons, là, je me rappelle quand j'ai reçu l'alerte Amber, là, le 31 janvier, là, ça m'a dit intérieurement, ça, Décembre. c'est réellement de la cruauté, là. Oui, mais c'était au mois de décembre, là, 31 décembre. Oui, c'était Ouais, carrément de la excuse-moi. cruauté, tu sais, surtout pour les restaurateurs. Imagine les gens ont acheté en fortune de la nourriture pour justement les gens puissent fêter là, dans les restaurants le passage là, à la nouvelle année. Et puis là, ils se font annoncer ça à quelques heures d'intervalle. Ça n'a aucun bon sens. C'est vraiment cruel, en effet. Ouais, puis c'est particulier parce que les restaurants, ils acceptaient ça. Ils ont pas, j'ai pas vu beaucoup de Oui, ben moi, ce que. d'émergence de restaurants Ben qui non. se Depuis le disaient quoi que ce début, soit. moi, ce que j'ai entendu comme son de cloche à la radio par rapport, il y a un regroupement des restaurateurs du Québec. Eux autres se sont fait dire par le gouvernement, ben là, faut vous demander le passeport, parce que sans ça, c'est quoi qu'ils disaient? Ah, on est mieux de demander le passeport que d'être fermé. C'était comme Ouais. le moins pire des mals, puis là, ils se soumettaient à ça. Fait que là, j'ai dit, Chris. Ils ont pas de combativité. C'est comme on menace la personne en disant « Ah, si tu te mets pas, ben tu vas être fermé. Tant pis pour toi. Il peut pas avoir de combativité parce que les gens sont trop confortables. » Ben, il y a eu Dan Marino qui, curieusement, est décédé il y a quelques jours. Il avait 57 ans. Que lui, il Ouais. avait été combatif parce que c'est lui qui avait rouvert son gym lors de l'été 2020, puis il avait dit, regarde, que le gouvernement nous permette ou pas de rouvrir, là, c'est assez, là, on réouvre les gyms, puis il avait donné, comment dire, un son de cloche dans les médias, dans le sens qu'il avait attiré l'attention des journaux, puis c'est sûr qu'il était mal vu, puis bon, par la suite, curieusement, il y a eu des cas, là, au-dessus de 300 cas d'éclosion lors de l'automne, je pense que c'est 2021, ou c'était l'été 2021 qui réouvrait le gym. Puis en tout cas, quelques mois après, plein de cas, curieusement, se sont au gym, alors que c'était lui qui réouvrait puis était mal vu par les médias. Puis là, c'était comme, en tout cas, ça a tombé drôle qu'il y ait eu ce cas-là spécifique à lui puis qu'il soit décédé récemment. C'est vraiment dommage. J'espère que c'est pas les médias qui auraient eu influence sur. Je sais même pas de qu'est-ce que ça peut être la cause de son décès, mais je trouve ça vraiment c'est dégueulasse. C'est dans la bassesse humaine en termes de violence psychique puis psychologique, les médias québécois en ont fait ils ont une médaille d'or depuis 2 ans. Là. Oui, exactement. Mais tu sais, le gars, il a sans doute vécu beaucoup de stress dans les derniers mois. T'sais, parce que premièrement, quand il aurait ouvert le gym d'une manière illégale, bon, ben, il s'est fait pointer du doigt comme étant pas correct, dangereux. Fait que là, il a vécu du stress. Puis que par la suite, quand il s'est fait pointer du doigt, regarde, là, non seulement il a ouvert d'une manière illégale, mais c'est à cause de lui s'il y a eu une éclosion de cas où il y avait plusieurs centaines, supposément, de personnes qui auraient été à son gym à Québec, qui étaient infectées par le coronavirus. Puis là, il s'est fait encore plus pointer du doigt comme étant le méchant qui n'écoutait pas le gouvernement. Puis ils ont comme vargé dessus. Moi, j'ai l'impression que ce gars-là, il a vécu beaucoup de stress dans les derniers mois. Puis comme tu le sais, ben le stress, c'est pas bon pour la santé, là, en trop grande quantité. C'est, je suis 100% d'accord, mais tout le monde vit du stress en ce moment, dans le sens que il y a un stress fondamental, c'est où est-ce qu'on s'en va? Il y a un petit peu dans chaque personne en ce moment, c'est où est-ce qu'on s'en va avec ça? Puis cette latence-là d'une réponse, parce que là, tu peux plus avoir une croyance de, ah, je vais m'en aller là, puis je vais faire ça, puis je vais faire ça, puis je vais faire ça, j'ai mes projets, puis mes ambitions. Il y en a que oui, là, mais en général, par rapport à la société ou par rapport au commerce, à comment tu vas magasiner, comment tu vas voyager, comment tu vas continuer de vivre ta vie normale, il y a un je sais pas. Il y a beaucoup de vide, il y a beaucoup Ben là, il y en a d'inconnus. encore plus parce que les gens qui faisaient confiance au gouvernement avec les mesures, puis comme on en parlait il y a quelques instants, là, avoir deux doses, massivement population deux doses, c'est le retour à la vie normale puis la liberté. À chaque fois que le gouvernement a voulu faire un pacte avec la population, ça n'a pas marché. L'année passée, il y avait le défi 28 jours, rester seul, puis vous allez pouvoir fêter Noël, etc. Puis finalement, le gouvernement livre pas la marchandise, fait qu'il y a un état de désillusion. Ce qui amène encore plus d'incertitudes, surtout que le gouvernement ne tient pas ses paroles par rapport à entre ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il annonce. Non, mais le gouvernement, il tient jamais ses paroles. C'est naïf de penser qu'un gouvernement te dit la vérité ou qu'un gouvernement travaille pour sa population. Il peut pas travailler pour sa population. Parce que c'est pas un. Il faut comprendre qu'est-ce qui possède quoi. Puis tu peux pas avoir de souveraineté sur des prises de décision ou sur des territoires si tu possèdes même pas ton propre territoire financièrement au niveau des lois ou tout ça. Fait que quand tu es dans un pays ou dans une province où ce que c'est la loi du plus offrant qui est derrière, qui décide, tu t'en vas là, tu t'en vas là, tu t'en vas là, tu t'en vas là. Fait que de penser puis de croire que le gouvernement il nous dit la vérité, les gens étaient les premiers à critiquer les gouvernements avant la pandémie, puis là tout d'un coup ils disent, ah, le gouvernement il veut notre bien, mais il faut se brancher. Sais-tu, il veut notre bien ou il veut pas notre bien? Puis s'il veut pas notre bien, qu'est-ce qu'on fait? Puis s'il veut notre bien, qu'est-ce qu'on fait? T'sais, mais on dirait qu'il n'y a pas de. C'est genre, ah, ben là, c'est correct, c'est pour notre santé. Les pharmaceutiques travaillent pour ta santé depuis quand? Ben oui, tu poses une bonne question. C'est sûr, dans mon cas, j'étais sceptique par rapport au gouvernement avant la crise. Le déroulement de la crise a confirmé certaines appréhensions que j'avais, dans le sens que on voit présentement là, qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire l'industrie pharmaceutique veut amener les gens à prendre plusieurs doses à plusieurs années. D'ailleurs, notre dirigeant, Justin Trudeau, il a acheté plus, je pense que c'est 9 doses. En tout cas, il y en a plusieurs qu'il a achetées à l'avance. T'sais, le gars, il sait même pas l'issue de qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines années, puis ils sont déjà tous achetés pour les prochaines années, t'sais. D'après moi, c'est pas lui qui achète ou qui fait quoi que ce soit. C'est toute une grosse machine de plein de monde qui travaille ensemble, qui prennent des décisions, puis c'est des firmes de communication, puis des firmes De lobbies pharmaceutiques aussi qui des font lobbies, pression sur le gouvernement, plein là. de monde avec des cravates, puis des costards, puis des suits qui se parlent, puis qui veulent tous se flatter dans le sens du poil. Puis toi, là, qui travaille, là, ben, t'es la ressource numéro un pour faire que cette machine-là fonctionne puis ait de la valeur. Parce que c'est à cause qu'on travaille pour de l'argent que l'argent a de la valeur. C'est parce qu'on y fait confiance, parce que on pense que quand il y a 20 000 dans notre compte en banque, c'est à nous autres, il est protégé. Mais tant et aussi longtemps que toutes ces croyances-là font en sorte que l'individu croit qu'il est libre, puis croit que le gouvernement s'occupe de lui, puis que tout est safe, ben, il va tenir. Il va tenir au narratif. Mais si tu vois que c'est pas super safe finalement, puis c'est pas super solide, tu vas commencer à te prendre en main puis à trouver des façons de répondre à tes besoins vitaux dans la société, mais de pas être esclave de toutes ces décisions-là qui ont un effet très négatif sur la conscience, sur le corps du monde, sur leur niveau de stress, sur plein d'aspects de leur vie, dans le fond. Oui, ben les dommages collatéraux liés à la gestion de crise, on commence à les voir de plus en plus, puis ça commence à être documenté aussi scientifiquement. Récemment, j'entendais parler d'une étude, c'était sur les ondes de TVA, donc un bulletin de nouvelles là, qui était fait sur cette chaîne-là, où il était question que c'était une recherche qui était faite auprès d'étudiants, qu'il y en avait un sur quatre qui avait des idées suicidaires à cause de la crise. Ouais, ça, c'est pas bon signe. Puis je pense que ça vient beaucoup du fait de ce que je disais tantôt par rapport à on sait pas où ce qu'on s'en va avec ça. Moi, j'en vois beaucoup des jeunes qui s'en vont au cégep, là. Puis ces jeunes-là, des fois, sont comme ben je pense que je vais faire ça, mais je sais pas trop. Puis certains d'entre eux sont vaccinés, d'autres le sont pas. Ceux qui le sont pas souffrent beaucoup. Ils ont de la pression, ils se font. Tu sais, on sait comment que c'est des ados, hein? Des ados sur une affaire de bien puis de mal, comme la vaccination, ça peut être cruel. Fait qu'il y en a beaucoup qui souffrent de violences psychologiques. Fait que c'est sûr que construire des jeunes dans cette énergie-là de peur puis de contraction puis de cruauté, parce que le gouvernement agit vraiment de façon cruelle en donnant pas d'informations, en étant très vague. Ah, ça, c'est fermé, là. Puis là, tu ne reçois pas de mémo, tu ne sais pas si toi, tu es ciblé ou non. Ils n'ont aucun respect. Puis ça, cette espèce de violence-là, de garrocher du stock de même, n'importe quand, faire peur au monde, leur dire, ah, on va vous annoncer des mauvaises nouvelles dans 3 jours, les laisser langourer là, de même, là, c'est réellement de la grosse torture psychologique. Puis si les jeunes le vivent à l'état social, dans les familles, dans leur école, dans leur milieu sportif, t'imagines le jeune qui jouait au basket, là, qui peut plus jouer au basket avec son équipe parce qu'il n'est pas vacciné, ben ça n'a pas d'allure. Ben, c'est de l'exclusion sociale. T'sais, ça veut dire que tous les fondements moraux de notre éducation, de les autres, chacun, on est égaux, on se traite l'un comme l'autre, si on était, t'sais, l'amour l'un pour l'autre, l'équilibre, le respect, il n'y en a pas, là. Non, ben c'est ça, puis c'est de la ségrégation sociale qui est légitimée par l'État. Donc, d'ailleurs, j'ai fait plusieurs capsules audio là-dessus que le passeport vaccinal, ça crée une division de la population en deux classes. Donc, il y a ceux qui ont des privilèges, puis les autres qui n'en ont pas. Puis, c'est un peu comme l'Allemagne nazie, où tu avais les juifs, puis les non-juifs, puis les juifs, il y avait des pertes de droits là, comparées des autres membres de la population. Ou si on pense à l'apartheid en Afrique du Sud, où les Noirs ne pouvaient pas aller dans des restaurants, bon, ben cette réalité-là, en tant qu'individu non injecté, je la vis présentement. Tu sais, je peux pas dire je vais aller fêter la Saint-Valentin avec ma compagne puis je vais l'amener au restaurant. C'est impossible. Non. Puis c'est qu'on est facile à oublier notre histoire. On oublie facilement l'histoire, puis on a une vision très brouille de l'histoire. On va regarder, mettons, l'Allemagne nazie, puis on va dire, ah, ben oui, mais ils ont tué 6 millions de Juifs. OK. Mais est-ce qu'on peut voir certaines similarités de la mise en action de ce génocide? Comment ils ont fait pour en arriver à convaincre du monde d'obéir au doigt et à l'œil? Autant de personnes d'obéir au doigt et à l'œil. Exact. Ben, le but n'est pas de dire oh, on est en train de vivre la même affaire. Le but est juste de dire est-ce qu'on peut voir que c'est une pente qui est glissante, ça? Puis c'est pas une bonne idée d'aller là-dedans? Tu sais, c'est essentiellement ça l'affaire. C'est pas nécessairement de dire c'est-tu mieux ou c'est pire. C'est de dire c'est pas intelligent. Ben non, ben Mais. c'est ça. C'est en fait l'histoire, toutes les ségrégations qui ont eu cours, que ce soit en Allemagne nazie, que ce soit en Afrique, où la ségrégation sociale a eu cours là, en Afrique du Sud. Ça a tout le temps mal tourné. Fait que je verrais pas pourquoi que ça tourne mieux présentement qu'une ségrégation vaccinale. Ben, dans le sens que je pense qu'on n'a plus besoin d'assassiner les gens puis de les mettre dans des chambres à gaz. Je pense qu'on est rendu à un autre, on a un état de conscience un peu plus évolué. Dans le sens que tant que tu les contrôles, t'as pas besoin de les tuer parce qu'ils te font faire de l'argent. Fait que t'as pas besoin, t'as pas besoin de les tuer, t'as juste besoin de les mettre à l'ordre puis de les faire respecter des règles pour optimiser tes réserves à toi, puis utiliser la personne comme un esclave, tu sais, dans le sens que tu vas faire ça, tu vas aller là, tu iras pas là, tu peux pas parler avec lui, tu peux pas avoir du monde chez vous, tu peux avoir du monde chez vous. Ben, c'est comme il essaie d'habituer les gens à obéir à ça, puis ça, c'est cruel parce que c'est comme si tu te fais voler ta vie, tu es constamment en train d'obéir, obéir, obéir, obéir, fait que t'es pas indépendant. Non, exactement. Puis des fois, les règles, ils changent très vite. sont contradictoires. Au début, tu te rappelles, Horacio Arruda, le directeur de la santé publique au Québec, il dit « Portez pas de masque, vous allez mettre les doigts dans la face, vous allez vous contaminer. » Quelques mois après, le masque devient obligatoire. Oui, c'est ça. C'est une machination d'acceptation de règlement. C'est ça, mais le fait que c'est contradictoire, ça crée un état de dissonance cognitive au sein de l'individu. Oui, puis moment... ça y fait croire qu'il sait rien, dans le fond. Ben, c'est parce ça. Parce que, tu sais, dans le fond, on dit « Ah, t'as pas besoin de porter un masque. » Là, tu vas faire « Ok, j'ai pas besoin de porter un masque. » Puis là, quand il va te dire « T'as besoin de porter un masque », tu vas faire « Ben voyons, tu m'avais dit que non. » Ben, ça veut dire que ça doit être rendu dangereux. Alors, on va porter un masque d'abord. Mais t'as pas fait tes recherches au préalable pour mesurer l'information. Tu sais, moi, quand les gens me parlent de port de masque, je vais dire « Ok, oui, un masque N95, on peut parler de port de masque. » Mais tant qu'on parle pas d'un N95, on parle pas de port de masque, on parle de déguisement. Ben fait oui, que... parce que c'est pas efficace. Tu sais, le masque artisanal, je pense que c'était 20% d'efficacité ou de procédure, 40%, mais on s'entend, on est loin du 95% d'efficacité, là. De toute façon, vous avez juste besoin de regarder la ligne de temps. Mesure, cas. Mesure, cas. Il y a toujours des mesures puis des cas. Puis les cas n'arrêtent jamais. Puis même, des fois, les mesures sont très, très restrictives, puis les cas sont très, très élevés aussi en même temps. Fait que, je dis pas que c'est les mesures qui entraînent les cas, mais je fais juste dire que on ne contrôle pas un virus. L'humain, il est pas assez intelligent pour contrôler la nature. Il faut arrêter de se faire à croire qu'on peut contrôler un virus puis l'empêcher d'aller à quelque part. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Ben non. C'est ça, on n'est pas capable de le faire. Puis je pense que la bonne démonstration qu'on en a eue au Québec, c'est ce qui s'est passé avec les derniers mois puis toutes les mesures de contrôle. Puis là, la semaine passée, le ministre Boileau, nouveau directeur de la santé publique qui remplace Horacio Arruda, a déclaré qu'il y aurait eu à peu près 2000 cas de gens qui ont été infectés par l'Omicron. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le couvre-feu, les gens ne se rencontrent pas pendant le temps des fêtes, tout ça, ça n'a pas empêché la propagation de ces 2 millions de cas. Mais c'est évident que ça ne l'a pas empêché la propagation, parce que la propagation, une fois qu'elle est en cours, est inarrêtable. C'est comme un feu de forêt, là. Ça part, là, puis quand ça part, là. C'est du fuel. Les cas s'embarquent les uns sur les autres, puis n'importe quelle personne qui a une connaissance un peu dans l'ordre des choses de la nature, si un virus, là, il devient plus contagieux, ça veut dire qu'il veut survivre. Il veut maintenir son environnement pour pouvoir se reproduire. Fait qu'un virus qui est dans un mouvement de contagiosité et non d'un mouvement de virulence, c'est toujours une bonne nouvelle. Ben oui, parce qu'il est moins létal, ça occasionne moins de morts. Ben oui, mais on dirait que quand on a vécu le début de la pandémie, on avait des cas, on avait des décès. Mm-hmm. On avait des cas, on avait des hospitalisations. Puis là, on a des cas, on n'a pas d'hospitalisation de façon majeure, ou du moins à cause qu'on a un système brisé avec des gens épuisés qui travaillent beaucoup trop, qui sont surexploités. Ben, on a très peu de décès, mais à cause que certaines personnes ont peut-être associé les cas avec les décès, eux autres, quand ils voyaient 25 000 cas ou 30 000 cas, ben, ils capotaient. Ben oui, c'était comme la fin du monde, là. Ben oui, puis c'est normal, parce que la façon que les médias font ça, c'est magistral, là, c'est de l'hypnose. Regardez, waouh, des cas, là, c'est terrible. Puis là, t'as quelqu'un qui parle, puis ça va pas bien, la vie, là. Puis toi, tu regardes dehors, là. Puis si on t'avait jamais ouvert la TV, tu saurais pas qu'il y a une pandémie, tu sais, mais... Ben c'est ça, c'est parce que c'est une pandémie médiatique. Au niveau historique, on n'aurait pas vu ça au Moyen-Âge, dans d'autres époques, dans le sens que les médias de masse sont tellement insidieux puis intrusifs, parce que tu as la télévision, tu as les téléphones intelligents sur lesquels tu peux recevoir à 24 heures sur 24 des notifications, dont des alertes rouges. Ensuite, en plus de l'ordinateur, tu as l'écran de télévision. Fait que les gens sont entourés d'écrans puis de conditionnement social qui vient de ça, à nous hypnotiser, tu le dis très bien, à croire qu'on est en pandémie. Ben, l'hypnose, c'est comme si c'était un rush de dopamine, l'attente de. On te pogne sur... C'est comme une forme d'addiction, ça rend les gens addicts. Tu sais, dans le fond, la production de dopamine là, que la personne reçoit quand elle est habituée à une récompense, c'est dans l'anticipation. Mm-hmm. L'anticipation d'une réponse, l'anticipation d'un moment... C'est là qu'il y a une hausse, la plus haute hausse de dopamine. Fait que les gens, ils ont des médias, ils ont des nouvelles. Ah, des mauvaises nouvelles! Là, qu'est-ce qu'il va avoir, là? Là, ils vont checker. Ah, là, ça trigger leur corps émotionnel. Parce que le corps émotionnel de tout le monde vibre en ce moment à ce qui se passe. Parce que peu importe la polarité que le corps émotionnel peut avoir face à la crise, il vibre. Mmh. Parce qu'il y a beaucoup de polarité, justement. Fait que quand il y a beaucoup de polarité, puis les tensions sont fortes, ben, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de mise en vibration dans chaque personne. Puis, c'est de même qu'ils sont capables de garder les gens captivés, puis fâchés, puis frustrés, parce que les gens, ils sont chargés à bloc, ils sont addicts à ça, mais c'est toxique, c'est une relation toxique avec l'information. Ben oui. Plutôt, cette énergie-là, elle devrait être canalisée dans la réponse des besoins individuels à travers des nouvelles conditions de vie dans une société qui change, parce que ça soit la COVID, du contrôle social ou tout ça, si on regarde l'histoire, il y a toujours quelque chose qui se passe. Il y a toujours des grands changements. Puis ces grands changements-là, ils s'échelonnent à travers le temps, puis ils prennent différentes formes. Puis il faut les accueillir parce que à travers toute cette crise-là, on a été capable de révéler énormément de failles, énormément de corruption, énormément de noirceur dans la société, sur la Terre. Puis ça, une fois que c'est amené dans la lumière, puis que c'est vu, ça peut plus être caché, là. Donc, c'est dur, oui. Il y a des gens qui vont craquer, c'est sûr. Mais c'est un mouvement nécessaire. La pression monte. Il y a plus d'énergie qui descend. Oui, Ça ben ça prend cette peut. forme-là dans la société. C'est ça, ça fait faire un grand ménage. C'est-à-dire que la crise nous permet de voir plus clair la corruption qui occupe, notamment avec le système de justice. Ensuite, tout le système politique, dans le fond, qui disent tout le même discours. Hein. Ben, là, ça commence à changer un peu. On est comme un carrefour par rapport au parti de l'opposition qui commence à remettre en question l'état d'urgence, mais. Ce que je te dirais depuis les derniers mois, ils disaient tout le même discours, que ce soit Québec solidaire, j'allais dire solitaire, Ouais. ou le Parti libéral avec Dominique Anglade, ici au niveau provincial. Ils disaient la même chose que François Legault, là, de la CAQ, là. Donc, ils répétaient toute la même chose. Les médias, ben, la corruption est quand même assez flagrante, vu qu'ils sont payés massivement par le gouvernement à hauteur de plusieurs millions par mois. Ben, c'est sûr que dans leur instinct de survie, s'ils veulent continuer à avoir des contrôles, ils ont intérêt à relayer l'information sans la contester. Mais en faisant ça, ils ne jouent pas leur rôle de quatrième pouvoir pour empêcher les abus du gouvernement. Fait que là, c'est une relation assez insidieuse qu'ils ont avec le gouvernement. Puis si le jour au lendemain, comme j'expliquais à des gens de mon entourage, le jour au lendemain que la crise se termine, ben, il va probablement beaucoup de personnes dans les médias qui vont perdre leur emploi si le gouvernement ne les finance plus artificiellement à la hauteur de plusieurs millions par mois. Ils vont toujours être financiers. Il y a toujours une source d'information qui supposément objective, qui vient de, qu'on appelle les nouvelles. Il va toujours avoir les nouvelles. Puis il y a toujours de l'argent pour les nouvelles. Parce que les nouvelles, c'est la seule raison. Quand je parle de les nouvelles, c'est pas juste TV, là. Je parle de médias sociaux. Je parle de toute l'information ou le stimuli qui est envoyé par la société dans le mainstream, là. Tout ça, là. Les nouvelles, c'est ce qui fait en sorte que les gens vont dans une direction plutôt que dans une autre. Fait que ça va tout. Comme tout le monde, il n'y aura pas d'argent pour les médias, vous allez être finis. Ils vont se transformer. Ils vont se transformer puis ils vont continuer à te manipuler parce qu'ils sont plus intelligents que toi. Anyway. Ben, quoi que Fait que. pendant ce temps-là, il y a l'émergence des médias alternatifs qui se financent à partir directement de leurs auditeurs. Là. Tu sais, je regarde Lux Media avec André Pitt, ensuite Jonas Collin, la revue de presse de Jonas Collin sur Facebook. Il y en a plein d'autres aussi en émergence. Oui, mais tu sais, ils vont tous te donner de l'information que tu peux trouver sur Twitter. T'sais. Fait que je comprends, là, mais les nouvelles, il va toujours en avoir. Il va toujours avoir une grosse masse, une force informationnelle sur Terre qui va contrôler la prise de décision. Parce que c'est comme aller dans un groupe, tout le monde pense que, mettons, je sais pas, moi, tel gouvernement a été élu. Bon, OK. Mais si tu arrives avec des preuves que non, ben là, ils vont dire non, mais la TV a dit que. Les grandes nouvelles ont toutes dit, il y en a en Europe qui disent la même chose, puis tout. Mais tu sais, ça appartient à, tu sais, la totalité des corporations à travers le globe qui desservent tous nos besoins, là, à partir de la bouffe, de la médication, du fuel, de l'énergie, tout ça, ça appartient à deux index funds. Il y a juste deux grandes, si on veut. Ouais, ben je pense qu'il y a BlackRock. Puis Vanguard, je pense. En tout cas, c'est deux gros là, qui regroupent là, des différents fonds. Exactement. Ouais. Puis BlackRock appartient à haut pourcentage à Vanguard. Bon. Fait que tu sais, ça va bien, là. Mais L'humain, l'esprit peut toujours nous surprendre parce que dans les temps où est-ce qu'il y a le plus de tension, c'est là qu'il est révélé le plus d'énergie. Ben oui, ben paradoxalement aussi, c'est quand les gens sont les plus étouffés que c'est à ce moment-là qu'ils sont plus enclins à réclamer leur liberté ou vouloir se sortir d'une manipulation. Exactement. Puis ça n'a pas besoin d'être de genre on abolit toutes les mesures, c'est juste à un moment donné, toi tu respectes plus les mesures, puis l'autre respecte plus les mesures, puis l'autre respecte plus les mesures. Puis à un moment donné, c'est parce qu'il y a une limite à ce que tu peux magnétiser le mental humain. À un moment donné, il s'épuise, il a besoin d'un autre scénario. Parce que c'est la réponse de dopamine à un moment donné, elle sature. C'est pour ça que les gens passent d'une drogue à l'autre ou d'un high à un autre, parce qu'ils en veulent tout le temps un meilleur. Fait que là, tu vas aller chercher d'autres choses. À un moment donné, il va falloir que tu stimules le monde avec d'autres choses. Parce qu'à un moment donné, ça va créer la COVID. Au lieu de créer un sentiment de genre, je veux savoir qu'est-ce qui se passe avec la COVID, ça va faire genre tabarnak, je veux plus entendre parler de ça. Ben, c'est Fait que là, ça, tu puis les écouteras plus, les nouvelles. ben, c'est Fait ça, que les les... nouvelles, il faut qu'ils changent. Ouais, ben, c'est ça, les gens vont délaisser les bulletins de nouvelles. Excuse-moi de te couper, mais c'est ça qu'on voit en ce moment avec le changement de cap de tous les partis politiques au Québec. C'est pas parce que, tout d'un coup, ils ont réalisé que ça n'a pas de bon sens. Parce que ça n'avait pas de bon sens il y a 2 ans. Ça n'avait pas de bon sens. Depuis l'état d'urgence sanitaire, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, eux autres, soudainement, là, oh, ça prend une négociation. Puis là, ils sont là, puis ils parlent. Puis il y a toutes sortes de gens qui émergent, là, tu sais, genre, un nouveau directeur, là, un nouveau politicien, là. Là, c'est comme tu fais comme, ah, oh, un vent de changement. T'as peu, là. C'est pas des caves. Faut vraiment, vraiment, vraiment voir les subtilités dans les mouvements pour réaliser que on n'en aura pas de break tout de suite, là. Ceux qui pensent que, mettons, ceux qui mettraient beaucoup d'énergie sur les camionneurs comme étant la fin de tout ça, le cirque COVID, là, faites attention de pas trop tout mettre vos jetons là-dedans parce que il va devoir avoir de l'énergie pour trouver votre chemin à travers tout ce monde-là. Parce que les médias, c'est évident qu'ils peuvent plus rouler la même cassette. Après 2 ans, les gens sont saturés. Que t'aies 3 doses ou 6, t'es tanné, tu veux entendre parler de quelque chose d'autre. Fait qu'il faut qu'ils trouvent une nouvelle corde sensible de la population pour générer une crainte, pour magnétiser le mental vers une solution qu'eux vont créer pour t'amener à vivre d'une autre façon. Encore en suivant le processus, là, mais toujours en utilisant une nouvelle crainte, une Oui, nouvelle ben, affaire. en fait, c'est pas très compliqué. Dans le fond, les médias, on l'a vu au début des années 2000, c'était la menace terroriste avec l'État islamique, avec Ben Laden, Al-Qaïda. Ça, c'était au début des années 2000. Ensuite, bon, là, présentement, il y a la COVID, puis on va sans doute retourner avec la peur des changements climatiques. On va sortir des boulamites, là, Greta Thunberg, là, puis cette grande prêtresse de l'écologie internationale, puis d'autres personnes aussi. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est la menace des changements climatiques là, qui vont mettre de l'avant là, sous peu, là. Je vais t'annoncer que si la Terre a décidé qu'elle faisait un changement climatique, l'humain n'a aucune chance de faire quoi que ce soit pour empêcher ce mouvement-là. Ah, je Par suis contre, si d'accord. c'est un mouvement humain Oui. de changement climatique, puis que eux vont décider de garder les ressources pour eux autres, puis au lieu de les donner à la population, donc restreindre la population à fonctionner selon un barème, ça m'étonnerait pas. Mais jusqu'à quel point c'est possible en 8 ans? Il va falloir qu'ils trouvent de quoi vite parce que d'après moi, là, les forces sont en train de se fatiguer, là. Parce que si tu attends trop longtemps pour imposer certaines choses, ça devient très, très difficile d'instaurer. Tu sais, genre, mettons juste, oh, on va aller aux autos électriques à 100% de la population d'ici 2030. Ouais, mais Hydro-Québec veut pas que je fasse du lavage quand il fait moins 21. Puis on va avoir 100% des chars au Québec. Je parle, mettons, j'exagère, là. Je sais que ça serait pas 100%, mais mettons 70% des chars au Québec, on va non, même moins que ça. 60% des chars au Québec électriques. Puis déjà là, oh, on peut pas, là, faut que faire. Prends pas une douche, là. Prends une douche d'eau frette à moins 30. Parce que Hydro-Québec, là, il veut pas te donner trop de courant. Fait que tes chars, écoute, En passant, ça a été j'ai hâte reporté de à voir. 2035 pour le passage de l'achat des autos électriques neuves, là, que ça doit être électrique, là. Donc, ça a été reporté, puis moi, j'ai l'impression qu'ils peuvent le reporter encore. Mais la menace des changements climatiques, je disais pas que je crois pas nécessairement que c'est juste lié à l'activité humaine. L'être humain peut, dans le fond, dans ma perspective, moduler ça un certain pourcentage, mais même avant qu'il y ait une activité industrielle importante, là, Il y a plus que 200 ans, il y avait eu des passages avec des ères glaciaires, des réchauffements, puis il y a une fluctuation sans qu'il y ait interférence de l'activité humaine liée à de la production massive de gaz à effet de serre liée aux activités en entreprise, là. Ouais, puis tu sais, le plus grand changeur climatique, c'est la précession des équinoxes sur le globe, là. Tu sais, à toutes les 25 920 ans, il y a un changement d'ellipse. La Terre est plus sur le même axe. Il y a un changement d'axe. Puis ça change le climat de la Terre. Puis il y a eu beaucoup, beaucoup d'événements avant que les humains soient sur la Terre qu'on ne peut pas vérifier. Mais moi, je pense que la Terre, c'est un gros, gros, gros système d'intelligence. C'est comme une. Tu sais, quand on regarde dans Star Wars, l'étoile de la mort, là, Oui. vois-tu, c'est comme si la Terre, pour moi, c'était une création extrêmement intelligente, organique, bioélectrique, biochimique, pour manifester de la vie. Puis je pense que même si on la magane, puis moi, je dis pas que j'encourage pas la pollution, c'est évident que je trouve ça stupide comment on consomme en ce moment, mais tu peux pas empêcher l'humain de consommer. Tu sais, c'est comme. Quand même ben, tu dirais, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas. Son énergie, va falloir qu'il la dépense dans quelque chose, qu'il fasse de quoi avec. Ça serait de changer la mentalité humaine pour arrêter de vivre dans un monde de consommation comme ça. Mais ça fait partie aussi de l'évolution. Donc, je pense pas que la Terre a vécu des grands changements climatiques de façon à virer sur le top, là, comme on aurait pu genre tomber dans une ère glaciaire ou tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup plus de publicité médiatique, de faire à croire à ça pour que les gens changent leur façon de faire ou je sais pas. Je pense qu'il y a une machination derrière ce mouvement-là parce que il est pas clean à 100%. Quand tu le regardes, tu sens qu'il y a du fake. Il y a de la bullshit, là, tu sais. Ben Ils sont oui. là, ils vont à des congrès pour le climat, là, puis ils vont là avec des jets privés, tu sais. Puis dépense des centaines de milliers de dollars pour des banquets, puis des bouteilles de vin, puis consomme, esti, comme personne peut consommer, là. Fait que, tu sais, Ah toi, ben t'es là, y a puis tu prends pas oui. tes sacs de réutilisables au IGA, t'es une mauvaise personne. Tu sais, voyons. Il y a une limite à ce que l'individu peut faire pour l'environnement. Tu sais, je suis pas une compagnie chinoise de 1,2 milliard de dollars qui run des usines de textile, là. Non, exactement, mais c'est sûr que par rapport à la question des changements climatiques, la façon que je vois ça, c'est un prétexte pour instaurer des mesures de contrôle international, notamment par rapport à la bourse de carbone. On dit qu'on veut contrôler le droit de polluer pour réduire la pollution, mais en même temps, derrière ça, c'est un contrôle social. Puis éventuellement, il pourrait avoir un passeport, non pas sanitaire, mais un passeport écologique où chaque personne est surveillée dans ses habitudes de consommation. Puis là, un peu comme le crédit social en Chine, ben là, elle peut perdre des points. T'sais, si la personne prend trop l'avion pour des voyages personnels pendant l'année qui sont pas des voyages d'affaires, ah, tu pourrais perdre des points ou tu fais ci ou tu fais ça, tu comprends? Ouais. Ça, c'est évident que c'est ça l'objectif, c'est d'aller vers un système numérique. Puis, comme j'expliquais tantôt, l'avantage du système numérique, c'est que tu peux inventer puis faire n'importe quoi avec ça. Dans le fond, c'est toi qui. La personne qui gère le système informatique peut décider ce qu'il fait avec. Il peut travailler pour le bien commun. Il pourrait déposer des fonds quand les personnes sont dans la misère. Détecter que, mettons, ton char vient de tomber en panne, puis t'as pas d'argent, ben le système te donne 200 $ puis appelle une remorqueuse pour toi parce que t'es dans la merde. Mais non, c'est pas de ça qu'on va voir avec cette technologie-là. Ça va être une technologie qui va restreindre la mobilité d'individuels. Ben, on le voit en Chine. T'sais, en Chine, dans certaines provinces, ils ont implanté le crédit social. Puis ça fait en sorte que si la personne est jugée comme étant un mauvais citoyen, c'est-à-dire son crédit social est trop faible, la personne n'a pas le droit de prendre l'avion, n'a pas le droit de contracter aussi une hypothèque. Donc, elle est limitée dans ses droits comparés de l'autre. Puis l'autre, qui va faire des actions qui sont bonnes pour le régime, comme de la délation, dénoncer les autres, là, elle peut gagner des points. Ça, je comprends là, l'aspect théorique de ça, là, de comment ça pourrait être mis en pratique, mais il va toujours avoir des workarounds. Tu comprends-tu ce que ça veut dire un workaround? En français. Ça veut dire une façon de contourner. Ah, ben c'est sûr, comme dans tout système, il y a des façons de contourner. Par contre, à mesure que j'appelle ça la pyramide de la pieuvre numérique, se complexifie, le filet du web devient de plus en plus complexe, ça va devenir de plus en plus difficile de contourner, surtout si on se dirige vers une argent qui va être totalement numérique éventuellement. Je suis d'accord avec toi, mais il faut pas sous-estimer le pouvoir de l'esprit. Mais en même temps, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir du côté obscur de la force. On en reprend les propos qui étaient tenus dans la guerre des étoiles, le Star Wars. Le pire qu'ils peuvent faire, c'est avoir une maîtrise de ton corps matériel. Mais au-delà de ça, le corps matériel, c'est débattable pour certaines personnes, mais ils peuvent pas avoir un contrôle sur l'esprit, tu sais. Fait qu'essentiellement, l'esprit va toujours prévaloir, va toujours trouver une façon de contourner parce que c'est un mouvement d'intelligence, puis de l'intelligence, ça aime ça, passer une situation qui est désordonnée à ordonnée. C'est ça le mouvement de l'intelligence, c'est de Oui, mettre de l'ordre. puis Fait que on parle du nouvel ordre mondial, mais on ne parle pas d'une intelligence d'esprit, mais plutôt une intelligence satanique ou luciférienne. mais c'est évident parce qu'il faut qu'il y ait un ordre. Puis ça commence de façon sous-évoluée avec un ordre mondial, planétaire, astral. Mais éventuellement, il va y avoir un ordre mondial, il va y avoir un ordre universel. T'sais, l'ordre universel existe parce que tout est assujetti à des lois. Tous les plans sont assujettis à des lois. La matière est assujettie à des lois. Fait qu'il y en a déjà une. Oui. Il y en a une, un ordre, il y en a un ordre mondial, mais l'humain essaie de s'accaparer la position de devenir un dieu. Puis c'est comprenable parce qu'il est Dieu. Fait que c'est sûr qu'il essaie de le devenir, mais il comprend pas par où aller. Fait qu'au lieu d'aller vers l'intérieur, il va vers l'extérieur, puis ça génère des balancements au niveau du pouvoir qui créent des situations comme on a sur une planète comme la nôtre. Oui, une planète expérimentale où les abus sont expérimentés, puis on voit les différentes expériences qu'on court. C'est sûr que depuis le début de la crise sanitaire, j'ai l'impression que le Québec, c'est un des pires endroits dans le monde en termes de gestion gouvernementale, là. Les mesures les plus radicales, le couvre-feu d'ailleurs, c'est le seul endroit, à ma connaissance, en Amérique du Nord, là, que ça a eu cours, là. Moi, j'ai l'impression qu'on est parmi les pires. Oui, ça là-dessus, je suis 100% d'accord. Mais en même temps, chacun le vit à sa façon, hein. Tu sais, dans le sens que c'est bon de savoir qu'est-ce qui se passe, puis de comprendre que les mesures n'ont pas d'allure, puis qu'il y a de l'incohérence, puis de débattre sur des statistiques, puis tout ça. Mais une fois qu'on sait tout ça, faut faire de quoi avec notre vie? Non, exactement. Mais moi, c'est sûr que personnellement, j'ai jamais achalé personne qui rentre chez moi en leur demandant « T'as-tu ton code QR? » Tu sais, apparemment, pendant le temps des fêtes, il y a des gens qui ont demandé à d'autres s'il y avait leur code QR à présenter à l'entrée pour se présenter à des réceptions du temps des fêtes. Puis ma belle-sœur, ce qu'elle me confiait, c'est que elle, pour aller au party familial, il demandait le code QR, puis il y a certains membres de sa famille qui n'ont pas pu y aller. Oui, c'est bien intéressant comment tu peux inculquer des croyances dans le mental d'une personne au point de mettre la relation familiale en péril. Tu sais, le vaccin, il fonctionne pas. Il n'a Ben pas oui. fonctionné pour prévenir la transmission. OK? Fait que ça n'a pas fonctionné, ça. La transmission, 0% a fonctionné. Le reste, c'est-tu le virus qui est moins fort ou le vaccin qui est fort? J'aurais tendance à dire que la nature est plus intelligente que le vaccin, mais bon. Fait que là, ce qui arrive, là, c'est que le passeport vaccinal, au-delà que c'est ségrégationniste, c'est juste pas intelligent parce que ça sert à rien. Ça sert, nous, on le sait à quoi ça sert. Mais, tu sais, mettons la personne qui croit que la crise sanitaire, c'est une crise pour un virus, elle comprend pas pourquoi qu'un passeport vaccinal, si elle comprend qu'il y a eu des cas chez les vaccinés puis qu'ils ont fermé des lieux. Tu fermes des lieux qui requièrent le passeport vaccinal à cause que des éclosions 1 plus 1 égale 2. Ben c'est ça, ça confirme que ça marche pas, mais les gens, j'ai l'impression qu'ils sont tellement hypnotisés par ce que disent les médias puis les bienfaits du passeport que ils sont pas dans cette logique-là fondamentale. T'sais, ils se font C'est du dire. bien paraître. Non, mais ça revient encore au fait de la faiblesse revient toujours aux craintes. C'est du bien paraître. C'est juste pour bien paraître. Les gens, ils portent un masque pour bien paraître, ils veulent pas déranger. Il y en a que c'est de bonne foi, il y en a que c'est parce qu'ils ont peur. Mais en général, là, c'est rare qu'il y a des il y en a pas beaucoup d'extrémistes sur les extrêmes des deux bords. Il y a beaucoup de monde dans le milieu, là. Il y a beaucoup de gris, là. Puis en général, dans le gris, c'est des gens qui osent pas trop. T'sais, ils sont comme, ah, ils ont dit ça à TV, puis ma soeur a fait ça, puis ma mère a fait ça, fait que je vais le faire. Puis tu sais, s'il n'y a pas beaucoup d'autres personnes dans ton environnement, tu sais, mettons, imagine que tu vis dans une famille fermée, puis que tout le monde croit à ça, tout le monde t'as été élevé avec TVA tous les jours, le typique, tu sais, roulement des films, tout est traduit en français, tu parles pas anglais. T'es là-dedans, t'as peur, t'es malade, t'es pas en santé parce que tu fais pas de sport nécessairement, tu manges pas très bien, tu connais pas l'alimentation. Puis là, on te dit, ah, il y a des risques pour les poumons, là, tu fais de l'asthme, t'as peur, là, le monde embarque tout. Faut vraiment avoir des gens qui ont beaucoup, beaucoup de centre de gravité pour pas être pris dans ces affaires-là parce que la différence d'un être qui est dans l'émotionnel, c'est comme du gaz, c'est vaporeux, ça part en feu tout de suite. Tandis que l'esprit, c'est solide. C'est enraciné. Donc, ça peut regarder quelque chose passer, une situation, puis faire OK. Puis une autre situation contradictoire, puis faire OK. Puis voir où est-ce qu'il y a de la réalité dans chaque situation, au lieu d'en faire un cas. Mais il faut avoir de la force pour faire ça. Ben oui. Qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, ça fait des années qu'on se parle. Je te dis, le monde, il faut qu'ils s'entraînent. Il faut qu'ils fassent de quoi que leur corps physique. Parce qu'à la base, là, la vie, c'était pas à drive-through chez McDo le matin, midi, soir, là. Avant, fallait que tu fasses de quoi de ta vie pour survivre. Ben non, Fallait mais que tu nos corps, bouges. c'est ça, sont biologiquement programmés pour bouger. Le mode sédentaire, c'est quelque chose de nouveau du siècle dernier. C'est inadapté sur le plan historique, là. Ah, puis c'est comme la pandémie, ça va avoir encouragé 2 ans de sédentarité sans culpabilité. Au moins. Au moins, il n'y avait pas trop de culpabilité. Tu te dis, ah, je suis à la maison, je mange des donuts, mais je sauve des vies. Ben oui, ben c'est Fait que les ça. donuts goûtaient meilleurs, tu sais. Il y avait des publicités à la radio, ça me faisait rire. Ah, restez chez vous, tu joues aux jeux vidéo chez toi, tu sauves des vies. Ça disait ça dans la publicité. Ah ouais, puis il roulait. Tu sais, mettons, mon voisin avait une radio dehors, puis ça roulait toute la journée, là. C'était une. Mettons, dans un bloc d'annonces de radio, elle revenait presque 3 fois. Ah oui, c'est incroyable la campagne publicitaire et le lavage de cerveau qui a eu cours dans les derniers mois, là, c'est phénoménal. Ouais, parce que quand tu l'entends la première fois, ça génère un choc. T'as eu de quoi? T'as pu jouer à des jeux vidéo puis je sauve ma grand-mère. C'est quoi le rapport? Ma grand-mère est morte. Ou, mettons, c'est quoi le rapport? Ma grand-mère est en pleine forme. Tu sais, fait que ça crée toutes sortes de dissonances dans le monde. Mais à un moment donné, quand ça se répète à long terme, à un moment donné, c'est comme, je sauve des vies. Ben, c'est ça, Je joue à des jeux vidéo, je sauve des vies. c'est ça, à force de répéter quelque chose, les gens finissent par le croire. D'ailleurs, c'est un des volets de la recette de la propagande qu'avait développé Joseph Goebbels dans l'Allemagne nazie, c'est-à-dire prendre un énoncé qui est simple, puis le répéter continuellement pour que les gens en fassent une vérité. Ben oui, parce que, tu sais, là, en anglais, le mot spell, to spell, spelling, écrire ou épeler, ouais, le verbe épeler, Oui. ben, les mots, ça a une vibration. Fait que quand tu répètes tout le temps les mêmes mots dans un certain état, ça génère une vibration, puis on est des êtres de électromagnétiques. La base de toute la matière, c'est électromagnétique, donc tout produit et reçoit des ondes. Fait que quand t'entends dans tes oreilles un organe sensoriel, une vibration, constamment la même affaire, ça crée un pattern de répétition, ça crée de la neuroplasticité, c'est comme une habitude. Tu t'habitues à entendre ça tout le temps, ça crée un nouveau chemin, une nouvelle connexion entre les neurones. Fait que là, tu deviens comme là-dedans. Mais il semble avoir des individus qui, quand ils entendent ça, là, tout de suite, il y a une force oppositionnelle. Puis c'est impossible que cette affaire-là puisse rentrer parce que ça devient comme quasiment acide. Tu le sens dans ton corps. Tu le sens dans ton corps, c'est de l'acidité, là. Hey, je peux pas écouter ça. Il n'y a pas de colère, là. C'est juste, non, je veux pas entendre ça. Puis là, tu coupes ça, puis tu coupes toutes ces affaires-là de ta vie parce que ça n'a pas d'allure, tu sais. Puis l'information, tu y as accès quand même. Mais je pense que des gens, que il y a trop de gainage autour du fil. Fait qu'il y a le courant. Le courant, tu le sens pas bien passer, tu sais. Ils sont capables de rester devant ça à longueur de journée ou entendre ça au travail, entendre ça à la maison. Ça fait 2 fois que j'achète des choses sur Marketplace, puis je vais chez les gens, puis la grosse TV gigantesque dans le salon, puis c'est LCN qui joue. Puis moi, je me disais, je croyais pas à ça que le monde écoutait LCN. Je pensais que les gens, des fois, ils regardaient un reportage ou un 18 heures ou quelque chose, mais de regarder LCN 24 heures sur 24 sur la TV, Peut-être que ce n'est pas le cas, là, mais dans ma vie, j'ai souvent vu des familles québécoises avec une télévision qui joue LCN en background. J'ai vu ça plusieurs fois. Puis je ne sais pas si c'est beaucoup de monde ou pas beaucoup de monde, ou c'est moi qui ai été chanceux, mais je trouve ça particulier que ça serait la première source de stimuli que tu voudrais mettre dans ton environnement le soir en arrivant de travailler. Mais semble du silence, ben, je comprends que peut-être le silence est trop demandé, là, mais de la musique ou quelque chose qui t'intéresse, je sais pas, une vidéo qui Ah t'intéresse ou ben c'est sûr qu'il y en a, comme tu disais tantôt, qui deviennent addictifs à ça. Puis là, ça devient comme une seconde nature d'avoir tout le temps la chaîne LCN chez eux. Là. Ça devient comme une forme de sécurité en disant « Ah ben, je suis au courant de qu'est-ce qui se passe au Québec. » je pense que ça va au-delà de ça. Ça va comme un support au vide. Ben, ils sont C'est pas comme un. capables de contenir le vide. Fait que ça l'apprend ça pour, c'est ça, compenser le manque d'identité face au vide. Ouais, puis pour que quelqu'un puisse écouter ça, mettons, de façon assez régulière, il faut que son taux vibratoire soit ajusté à ce genre de narratif-là. Parce que sinon, ça serait impossible. Tu pourrais pas. Quelqu'un avec un taux vibratoire d'une autre résonance que ça, mettons, qui aurait accès à de l'information plus pertinente ou plus pointue, ferait genre, ah, c'est grossier. Les nouvelles, c'est grossier, c'est très grossier, il manque beaucoup d'informations là-dedans. Je préfère pas entendre ça, c'est pas assez complet, je veux aller chercher quelque chose de plus complet. Tu sais, au-delà de dire c'est des merdias, là, puis le monde qui génère de la haine envers ça, c'est juste pas complet. C'est une partie de l'information, puis malheureusement, une partie de l'information qui fait l'affaire Oui, de mais c'est certaines de la personnes. propagande, c'est ça l'affaire. Puis je pense qu'à travers Mais la... il faut Oui. changer la façon qu'on utilise des mots, parce que faut sortir de ça, cette espèce de haine, là, puis de ressentiment, là. Je comprends que le monde a été violé, là. Mais il va falloir qu'on comprenne que ce qu'on vit, là, c'est intelligent. Puis il faut s'adapter à ça. Il faut le confronter, ça, avec une tête froide, puis avec un bon cercle, puis avec des ressources, puis il faut se prendre en main. Oui, Parce non, je comprends que. ce que tu veux dire, mais ce que je veux dire, c'est que les médias présentement, tu sais, tu regardes les chroniqueurs vedettes, que ce soit Denise Bombardier ou Richard Martineau ou L'Écuyer, tous ces gens-là vont tenir des propos qui sont carrément haineux par rapport au nom injecté. Si je pense à Denise Bombardier qui déclarait, faut faire la guerre aux antivax, ça peut pas être aussi explicite, là. Fait que là, ces gens-là incitent à la haine. Dans un contexte normal, ça serait inacceptable, mais qu'une partie de la population incite à avoir un discours de haine par rapport à un autre. Mais comme c'est la crise, ça, c'est acceptable. Puis quand les gens les contestent ou les dénoncent, ah, vous tenez des propos haineux. Ben oui, mais c'est évident qu'il y a de la haine. Les gens ont de la haine en eux. C'est ça, mais là, ce qui est particulier, c'est que c'est les médias de masse qui vont dénoncer ceux qui n'adhèrent pas au discours comme étant des complotistes, comme étant haineux, mais eux-mêmes propagent la haine. Ben oui, mais c'est ça Ils font qu'un de la projection. manipulateur fait tout le temps. C'est de la psychologie inversée. C'est de la projection. Ben, c'est ça. Mais c'est de la maternelle. C'est de la maternelle. Si vous lisez des articles médiatiques de ces gens-là, là, José Legault, Denise Bombardier, Patrick Lagacé, Richard Martineau, Emmanuel Latraverse, puis tous ces gens-là, là, c'est du cinéma. Faut faire attention de ne pas vibrer à ça, parce que le but, c'est de vibrer à ça. Hein, de l'injustice! Oui, l'injustice. C'est évident qu'il y a de l'injustice. Tu contrôles même pas tes propres pensées. Tu penses-tu que où tu as de la justice? Tu sais, t'en as pas vraiment, dans le fond. Ben Mais non, c'est on ça. n'aime pas accepter le fait qu'on est régi, qu'on peut se faire dire quelque chose par quelqu'un puis il est caché en arrière de son écran. Puis là, ça nous crée de la frustration. Mais dans le fond, cette frustration-là, elle vient de où? Elle vient du fait qu'on est dévoilé dans nos faiblesses. C'est juste d'être dévoilé dans nos faiblesses. On est dévoilé dans nos faiblesses, fait qu'on pogne les nerfs. Mais une fois qu'on comprend que quand on est dévoilé dans nos faiblesses, il y a quelque chose à intégrer dans cette expérience-là, ben on va moins vibrer à ça. Puis on va s'éloigner de ça parce que, essentiellement, à un moment donné, ce que tu as besoin de savoir, c'est les mesures qui sont en vigueur à certains endroits. Puis s'il y en a des mesures qui sont très restrictives qui t'empêchent de consommer ou de faire quelque chose, ben ton esprit va te dire quoi faire. T'sais, faut être stratégique. C'est vraiment ça le secret dans tout ça. Puis de dilapider, puis de défracter notre énergie à travers des émotions de basse vibration parce que les médias nous insultent. Écoute, moi, ces gens-là, ils peuvent pas m'insulter personnellement parce que j'y regarde puis je ris. Tu sais, ça me fait rire. Quelqu'un qui parle de même, qui écrit de même, il se dévoile déjà, il se dévoile toute sa personne. Il dévoile toutes ses lacunes, toutes ses faiblesses, tout son manque d'empathie, son manque d'amour. Puis dans le fond, son manque d'amour, il vient d'un amour, il manque d'amour envers lui-même. Puis ce manque d'amour-là envers lui-même, il vient d'un cercle vide autour de lui, d'une déconnexion avec sa source. Fait que finalement, il fait pitié, ce gars-là. Puis il m'insulte. Il insulte quoi? Il insulte un concept qu'on s'est approprié. Si tu dis, ah, oh, il parle de moi, les anti-vax, fais-tu partie de cette forme-là, toi? Ben Moi, je non, fais pas partie ben non, d'aucune moi de non ces formes-là. plus. Moi, je suis un pro-choix, c'est-à-dire je laisse les gens qui veulent ou qui veulent pas l'avoir, donc je m'identifie pas à ça. Moi, j'ai même pas de position. Zéro. Rien. Mais Rien. implicitement, pour avoir de position, Je n'ai pas de position là-dessus. témoigne. J'en ai rien à foutre. Ouais, non, mais c'est ça, mais Ce que je trouve implicite, ouais, dur, mais la parce seule affaire, t'as peu, oui. la seule affaire que je trouve dure dans ça, c'est de voir des gens que je croyais solides dans leurs principes. Plié. C'est ça qui m'a mis en vibration beaucoup, moi, pendant la pandémie. Mais les décisions que les gens prennent, j'en ai rien à foutre. Dans le sens, je vais reformuler parce que ça fait très nonchalant de dire rien à foutre. C'est pas que j'en ai rien à foutre, c'est que c'est pas ma vie, c'est pas de mes affaires. Ce que les gens décident de faire avec leur corps, avec leur choix, par rapport au travail ou tout ça, ou s'ils décident de rester ouverts, fermés ou peu importe, c'est pas de mes affaires. À moins qu'ils me le demandent, c'est pas de mes affaires. Fait que moi, je me mêle de mes affaires, puis je laisse les autres se mêler de leurs affaires parce que, anyway, c'est tout ce qu'ils peuvent faire, là. Mêlez-vous de vos affaires. Puis si vos affaires, ils vont pas bien, c'est pas à cause du gouvernement, puis c'est pas à cause de la situation politique. Ben, je C'est à crois que le cause qu'il y gouvernement a, peut avoir un il y a impact une vision dessus. erronée. Il y a une vision erronée par rapport à la fonction de ton être. Oui, c'est-à-dire que je comprends ce que tu veux dire, mais ce que je voulais te ramener tantôt en lien avec ce que tu disais, c'est que si tu prends pas position, implicitement, c'est de prendre position pour la liberté des gens. C'est-à-dire que si tu dis pas que tu es un pro-vax ou un anti-vax, ben implicitement, c'est que tu es un pro-choix. C'est-à-dire que tu laisses les gens choisir s'ils veulent se faire vacciner ou pas. Bien évidemment qu'on laisse les gens choisir. De toute façon, on ne peut pas rien faire d'autre. Oui, Les gens quoique. finissent toujours par choisir quelque chose, anyway, basé à partir de leur ego. Ou de Ils leur décident. Ah, esprit OK. s'ils sont conscients. Ben oui, mais on le sait comme tu sais, on la connaît l'architecture, on Oui, sait comment ça ben fonctionne, mais oui. les gens vont choisir ce qu'ils ont à choisir basé sur un plan de vie. Tu sais, fait le fait de dire pro-choix ou pas pro-choix ou anti ou pro-vax, je peux pas me positionner là-dessus parce que. Moi, si j'aime quelqu'un puis qui décide de se faire vacciner malgré le fait qu'il a dit qu'il ne se ferait pas vacciner, probablement qu'il était rendu à un point où est-ce que la raison pour lui, le choix était meilleur de se faire vacciner que de ne pas se faire vacciner, puis ça n'enlève pas l'amour, le respect que j'ai pour cette personne-là. Peut-être, par exemple, je vais avoir plus de recul sur qu'est-ce qui est dit, c'est-tu ajusté ou c'est pas ajusté, tu sais, parce que quelqu'un peut dire non, je me ferai jamais vacciner, puis finalement, ils enlèvent le cinéma, puis ils plient tout de suite. Fait que finalement, les principes n'étaient pas solides. Puis après ça, ben, ça te permet de décider qu'est-ce que tu veux faire avec ces gens-là dans ta vie, tu sais. Si t'as des gens, moi, la plupart des gens autour de moi, ils sont restés solides parce qu'on a une relation de respect puis d'amour. Mais s'il y avait des gens ou du monde qui s'éloigne, ben, c'est correct qu'ils s'éloignent. On a chacun notre expérience à vivre. Puis, moi, je traînerai pas dans ma tête, ah, oh, c'est à cause qu'il s'est fait vacciner ou c'est à cause de ci ou de ça. Peu importe ce qui fait partie de l'expérience du corps, on vit qu'est-ce qu'on a à vivre, puis on va où ce qu'il faut qu'on aille. Puis d'avoir cette vision-là, ça donne beaucoup de quiétude. Oui, ben moi, je laisse les gens vivre leur expérience. Moi, il y a des gens dans mon environnement qui sont vaccinés, d'autres qui ne le sont pas. Puis, regarde, je respecte chacun. La seule chose, c'est que je veux pas que les gens fassent ingérence dans ma vie pour me dire quoi faire, comme tentent de le faire les chroniqueurs vedettes auxquels je parlais tantôt, ou le gouvernement. Peuvent pas dire quoi faire. Ben, en tout cas, ils s'essayent en maudit, là. Ben oui, puis les gens obéissent parce qu'ils ont peur. Ben, Parce moi, que ouais, dans le fond, c'est vas-y. juste la peur qui nous retient là-dedans parce qu'ils n'ont pas les mesures, pas les mesures, mais ils n'ont pas les ressources nécessaires pour appliquer ces règles-là 24 heures sur 24 partout sur une province. Fait que, à quelque part, il y a des places qui vont l'échapper. Fait que c'est aux gens d'avoir assez de vision pour dire, ah, ici, il n'y en a pas de problème. Je peux faire ça, il n'y en a pas de problème ici. Puis à d'autres places, il y a des problèmes. Tu sais, tu verras pas un mouvement de résistance chez Tim Hortons où ce que les gens en arrière du Tim Hortons disent « Non, on porte plus de masque. » Tu vas le voir peut-être dans un café, un petit café de quartier, par exemple. C'est ça, quelqu'un qui est indépendant. C'est ça, fait que, tu sais, ça va se faire tranquillement, puis basé sur la lecture de l'environnement de chaque personne, parce que tu as du monde qui peut sentir « Ah, oh, je vais me faire arrêter, je vais avoir un ticket. » Puis il y en a d'autres qui ne sentent pas ça. Fait que ceux qui sentent pas qu'ils vont avoir d'étiquette, souvent ils n'ont pas. Puis à un moment, ils réalisent que finalement, dans le fond, la police, ça va pas travailler contre la population. Il faut qu'elle dise que oui, elle respecte les mesures, mais quand ils arrivent à du cas par cas, moi j'en connais des policiers, puis ils en laissent passer en esti, là. Parce qu'eux autres aussi sont tannés, à un moment donné, ils comprennent plus, là. Eux autres, ils croyaient à ça au début, là. Tu sais, ils sont Ouais, là, ben, hey. il y a eu Maxime Ouimet, parce que dans le fond, l'ancien policier, là, que j'allais dire qu'il a défroqué, là, un peu comme un prêtre, là, ce que certains appellent le policier du peuple, que lui est sorti publiquement en disant, ben, je suis un policier, puis regarde, j'ai lâché la police parce qu'il n'adhérait pas aux mesures. Moi, j'ai ce gars-là, je l'ai suivi un peu, mais j'ai trouvé un peu que ça, c'est comme, c'est un gros mouvement vers le haut. Il a vécu énormément d'opposition vers le bas, puis il s'est sauvé aux États, ben, il s'est sauvé. C'est pas sauvé, mais il est parti vivre aux États-Unis. Fait que, tu sais, dans le fond, OK, il aurait été, je dis ça, je parle pour parler. Peut-être aurait été plus productif de rester dans la police, puis de faire un travail invisible, sournois, tranquille, discret dans la police. Mais non, tu sais, des fois, le monde a besoin de parler. Aïe, aïe, c'est pas juste ça. Moi, je veux révolter. Puis je veux. Puis là, saccage, il salissage, il se fait mettre dans la marde, il s'associe pas avec le bon monde. Fait que finalement, il part du Québec. Fait que là, il peut plus faire un job ici. Peut-être ça va mieux là-bas aux États-Unis, puis tout. Mais je trouve ça, des mouvements un peu trop excentriques comme ça ne peut que générer beaucoup d'opposition. Il faut être très discret parce que la population est fragile en ce moment. Elle est très, très, très Mais en même à temps, fleur de peau. tout sert dans le sens que si lui, il a dit Ben ce oui. qu'il pensait vraiment par rapport à la police puis la gestion de crise, que Ça l'a fait quelque chose. ben c'est ça exactement, dans le sens qu'il y a eu un impact, là, notamment sur les réseaux sociaux, puis peut-être que ça a donné le goût aussi de d'autres policiers, là, d'agir dans le même sens que lui, ou dire, ben finalement, je ne suis pas tout seul à penser de même. Ouais, puis tu sais, je peux comprendre les policiers qui vont continuer de travailler puis d'obéir aux règlements parce que Chris, c'est leur paye, puis ils ont des enfants, puis on, tu sais, le monde a beaucoup beaucoup de contraintes là, tu sais, surtout avec un système comme on a aujourd'hui avec le prix des affaires puis tout qui monte, il y a de la peur par rapport à l'argent, il y en a en masse là, tu sais, je serais surpris de voir la quantité de dettes que chaque personne a accumulée à travers le temps. Il y en a beaucoup qui ont dû s'endetter puis qui n'ont pas le choix de continuer à faire ce qu'ils font, fait que. Ouais, si on prend un esclavage dans le système, puis c'est sûr, avec l'inflation puis les prix à la consommation, comme la nourriture qui a augmenté beaucoup dans les derniers mois, puis c'est une tendance qui est pas loin de s'essouffler, parce qu'on parle de possibilité de pénurie de denrées, là, pour les prochains mois. Ça va être bien, bien difficile de générer de la pénurie de denrées vraiment de façon at large parce que la population obéissante qui fait tout ce qu'on leur dit, eux, si tu leur donnes plus leur divertissement, plus leur bouffe, ils virent sur le top, ils deviennent dangereux, là. Fait que pour maintenir ce mouvement-là de personnes qui travaillent, puis qui exploitent, puis qui peuvent faire rouler cette machine, faut que la machine roule pareil. Être obligé de continuer à rouler. Quoique en Russie, le système de pénurie qui est entretenu par les politiques étatiques, Avant, ça fait longtemps, tout oui, c'est ça. ça, mais ça Dans le temps de fonctionne. Gorbatchev. Oui, mais c'est ça. Ben, avant, là, quel effondrement là, du système économique là, de l'URSS, là, l'Union des pays soviétiques. Donc, avant que le bloc, comme on dit, là, de l'Est s'effondre avec différents pays comme l'Ukraine, etc. Bon, ben, sciemment, il y avait des pénuries qui étaient comme orchestrées pour empêcher les gens d'avoir assez de force pour se révolter. Donc, des gens qui ne mangent pas à leur faim dans des pays rivaux de la Russie ou qui avaient certaines oppositions, je pense en Macédoine ou en Ukraine, ben, ils s'organisaient, qui ne mangent pas à la faim les paysans pour pas avoir la force de prendre les armes puis combattre activement l'occupation russe. Même s'il y avait de la bouffe, t'auras jamais du monde au Canada avec des guns dans la rue, là. Oublie ça. C'est peu probable pour le Canada, mais pour ce qui est Non. des États-Unis avec les Même milices. les gens sont gros, sont fatigués, sont écrasés devant la TV, sont stressés. Où c'est que tu veux qu'ils trouvent l'énergie? Ils sont ben trop dilapidés dans leurs énergies à cause de toute l'information, toute la technologie, toutes les patentes à gosse qu'ils ont autour d'eux autres. Ils n'ont pas l'énergie d'aller se battre avec des guns. Je comprends qu'ils voient l'idée de ça comme étant cool, là. Du monde, c'est, hey, si moi, là, j'ai des M4 chez nous, là, puis s'il arrive quelque chose, je vais être capable d'aller me défendre. C'est pas cool. Il n'y a rien de cool là-dedans. Là. Je ne sais pas si c'est le cinéma ou les jeux vidéo qui a généré ça dans la conscience des jeunes ou des plus vieux, des survivalistes, le monde qui accumule des denrées puis des guns puis veulent protéger leurs affaires. C'est pas comme ça que ça va marcher. C'est pas comme ça que ça va marcher. L'humanité, ça marchera pas avec des guerres civiles. Là. Puis on est rendu à un point où ce que c'est même pas possible que le peuple se révolte comme ça parce que si tu remontes au temps de Gorbatchev, c'est un petit peu avant la guerre froide, ça me semble, hein? Ben, c'est-à-dire que dans le fond, Gorbatchev, c'est sous son règne, vers 1989, que le mur de Berlin là, a tombé, puis l'URSS a tombé. Mais pour ce qui est de l'URSS en tant que régime là, communiste, bon, ben, ça a été. Dans le fond, depuis la chute des tsars, il y a eu Lénine, Staline, ensuite il y a eu différents dirigeants. Donc, ça s'est échelonné sur plusieurs décennies, puis ça a pris fin au début des années 90. Ouais. Donc, on voit que ça c'était plus dans les années, mettons, 70-80, le gros de ça. Puis, dans ce temps-là, Internet, téléphone cellulaire, toutes ces affaires-là, la vitesse que l'information circulait était beaucoup, beaucoup, beaucoup moins grande. Puis, c'est qui le plus gros, un des plus gros producteurs de guns sur la Terre? C'est la Russie. La Russie, elle en produisait du matériel militaire dans ce temps-là de façon épouvantable. Fait que, tu sais, il y avait des ressources, mais on prend ces deux exemples que oui, OK, essayer d'implanter le communisme, des pénuries alimentaires, OK, on peut faire des liens, mais ça n'a rien à voir. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas des gens qui travaillent physiquement. Il y a du monde qui sont en télétravail, il y a du monde qui sont sous des ordis toute la journée. Tu as du monde qui sont extrêmement faibles physiquement. Il n'y a pas grand monde qui vont être capables. Hey, Non, écoute. non, mais je pense pas que les gens vont prendre les armes. Là, je vais arrêter la discussion là-dessus en disant que je vois pas ça comme possibilité aujourd'hui. Par contre, dans le fond, ce que je te dirais, c'est que la révolte ou la révolution, je le vois plus au niveau, tu parlais de télétravail dans le cyberespace, c'est-à-dire des attentats de cyberterroristes. Qu'est-ce que tu veux dire des attentats de cyberterrorisme? C'est-à-dire que, mettons, Spécifiquement, là. Oui, des hackers, mettons, vont se donner comme objectif de faire planter la Banque du Canada ou des institutions financières ou, par exemple, le ministère de la Santé. Comme je t'ai dit, puis ça, peut-être je vais me tromper, là, mais j'ai un grand, grand, grand feeling depuis le début, puis ça n'a pas bougé. Ils peuvent pas désordonner l'ordre des choses, des gens, de leur façon de vivre. Ils peuvent pas faire ça. Parce que c'est pas gagnant pour un système de contrôle l'anarchie. L'anarchie, ça sera jamais toléré. En tout cas, jamais à grande échelle. Ou une anarchie contrôlée. Et là, ça devient intéressant parce qu'on peut parler d'opposition contrôlée, dans le sens de laisser dégrader une situation avec des agents provocateurs pour justifier des mesures par la suite de contrôle social et de répression beaucoup plus grandes. Oui, mais à un moment donné, il y a une limite parce que justement, c'est des vieilles tactiques, ça. Mais avec la vitesse que l'information circule, puis la quantité d'informations qui circulent, c'est très de plus en plus difficile de mentir. Je comprends qu'il y a encore des mentales magnétisées par rapport à toutes sortes de croyances. Oui. Mais avec la vitesse que l'information circule, puis les sources différentes d'informations, c'est pas la même situation. Fait que mettons, il y aurait du désordre, puis ils voudraient générer ça, les gens changeraient de courant beaucoup plus vite. Il y aurait pas, ils peuvent pas mettre en place un système où ce que t'as plus de bouffe, t'as plus le droit de sortir de chez vous. Qu'est-ce que tu penses que le monde vont faire s'ils ont plus de bouffe, puis ils ont plus le droit de sortir de chez eux? Ils vont sortir de chez eux, puis ils vont foutre la marde. Fait que tu veux pas ça du monde qui fout la marde parce que ça coûte cher. Puis ce que tu veux, c'est quelque chose qui te rapporte du profit. Fait qu'il faut penser comme quelqu'un qui est économiquement. T'sais, eux autres, c'est leur but, c'est pas de détruire la société, c'est d'en profiter de la société. S'ils te détruisent à travers ça, à travers leur mouvement, ils s'en Oui, calissent. mais parle de la Mais. destruction contrôlée dans le vue d'une réinitialisation de la société à un autre niveau. Tu sais, si on pense à Klaus Schwab qui Ouais, mais fait. c'est des magiciens, ça, dans le sens qu'ils ont une imagerie magique des choses, mais ils ont des données importantes qui leur manquent à cause justement qu'ils vont chercher leur information à partir du plan astral. Si tu vas chercher de l'information à partir de la magie noire ou de la magie blanche, c'est évident que tu vas te faire fourrer. Parce qu'il y a des données que tu vois pas. Puis la donnée principale, c'est qu'aucun ego peut avoir du pouvoir sur Terre. C'est pas autorisé, ça. Fait que peu importe si tu penses que ta magie elle peut contrôler la population, puis que tu vas pouvoir instaurer ci, puis ça, il y a une limite. Il y a toujours une limite parce qu'il y a des choses qui ne seront pas autorisées, tout simplement. Parce que ça ne fait pas partie du cheminement. Non, non, mais je suis d'accord avec toi. À un certain niveau, si on pense par exemple l'utilisation de l'arme nucléaire suite à Nagasaki et Hiroshima, eh bien, il y a eu des manifestations là d'extraterrestres puis d'OVNI un peu partout là à l'échelle internationale qui ont entre autres bloqué des silos pouvant contenir des missiles nucléaires intercontinentaux. Donc, les extraterrestres ont donné le message aux gens que, écoutez, vous pouvez pas faire la guerre comme ça puis utiliser des bombes nucléaires là, selon votre bon vouloir. Donc, parce que le danger de l'arme nucléaire, c'est de déstabiliser l'atome qui est la base de la réalité physique, puis ça pourrait perturber la réalité d'extraterrestres. Autrement dit, si l'être humain perturbe trop d'autres formes de réalité, ben, il va avoir des interférences, des êtres qui résident dans ces autres niveaux de réalité pour réajuster la situation. Puis même ça fait partie de la révélation. Ce mouvement-là où ce que l'humain essaye de toucher quelque chose, puis finalement il réalise ce qui est comme dans une cage en vitre. Oups, il touche. Il pensait que son bras, tu sais, il avançait, puis il lançait son bras en avant, puis il y a toujours de la place. Puis à un moment donné, ping! Hein? Pourquoi ça marche pas? Puis là, le monde ne comprenne pas, ça marche pas, pas grave d'envoyer missile. Qu'est-ce qui se passe? Tout est arrêté, tout est sauté. C'est l'altération des champs magnétiques. Tout est champ magnétique, puis plus la vibration est élevée, plus le contrôle du champ magnétique inférieur est facile. Fait que c'est comme ça fait partie aussi d'un temps nouveau où ce que l'humain va pouvoir se réconcilier avec les multiples plans dans lesquels il existe, au lieu de penser que c'est juste un cerveau qui pense. Tu sais, ça, c'est dégradant, ça, pour un humain de penser de même. Ça fait, tu sais, c'est pas utile. Ah, c'est toi qui penses tes propres pensées, puis c'est à cause de ton cerveau, puis ta chimie dans le cerveau est tout croche, fait que t'es foutu. Hey boy, c'est dark, c'est Non, c'est lourd. ça. Ça, c'est l'expression ultime d'une vision matérialiste et réductionniste de l'être humain, à l'effet que c'est lui qui crée les pensées dans son cerveau au lieu de le voir comme étant le récepteur d'une pensée qu'il relie à une réalité multidimensionnelle. Ouais, puis l'affaire avec ça, c'est que tu peux même pas convaincre personne de ça, là. Tu peux pas convaincre quelqu'un qui vit dans l'expérience que la pensée, c'est toujours prépersonnel. Ça veut dire que ça c'est là malgré la volonté, malgré si, malgré, tu sais, c'est prépersonnel. Ben, tant que l'ego a pas pris cet angle de perspective-là de son plan mental, c'est impossible de convaincre. Moi, d'ailleurs, des fois au début, pendant une période de temps après mon accident, je me disais, il hey, faut que les gens sachent ça, faut que les gens sachent ça, faut que les gens sachent ça. Puis finalement, j'ai réalisé que toute l'information que je recevais, toutes les expériences que je vivais, c'était pour mon évolution personnelle. Ça n'avait rien à voir avec les gens autour de moi. Malgré la similitude, malgré des tempéraments qui semblaient très, très sur la même longueur d'onde, finalement, c'est pas pantoute sur la même longueur d'onde. Chaque personne a une expérience qui est propre. Oui. Il y a une relation propre avec l'énergie, qu'elle soit astralisée ou non. Dans le fond, ça ne change rien. Il y a toujours de l'énergie qui est là. Fait que Non, non, de mais je suis dire à d'accord quelqu'un la avec. pensée, ça vient d'ailleurs. Oui. Mettons, tu sais, comme le rôle de Bernard a été pertinent parce que les gens qui savaient que la pensée venait d'ailleurs, ben, en fait, ah ben oui, c'est vrai, ça. Merci d'en parler. Mais c'est parce que ça Mais. servait à confirmer ce qu'il savait déjà. Donc, à ce moment-là, la fonction, c'était de confirmer un vécu. Puis si la personne n'a pas d'expérience en lien avec ça, ben ça tombait à plat, là, tu sais, un peu comme tu le mentionnes, tu diras pas à ton voisin demain matin, ah, ben la pensée vient d'ailleurs, si la personne n'est pas marquée pour expérimenter ça. C'est particulier parce que on dirait que l'humain veut s'en laver les mains dans le sens qu'il veut relaxer, il veut rien faire dans la vie, puis il veut que tout arrive. Tu sais, j'exagère, j'extrapole, là. Mais il voudrait que tout se fasse tout seul, mais il reste le plus loin possible de ce qui lui pourrait lui permettre de faire ça. C'est-à-dire que la seule affaire qui fait tout seul, qui découle d'un mouvement toujours perpétuellement créatif, c'est l'esprit, puis c'est de là qu'on se tient le plus loin. Puis finalement, on essaye de contrôler la vie Puis la vie nous répète après chaque événement que, garde, c'était pas exactement comme tu pensais. C'est jamais exactement comme tu pensais. Tu pensais que c'est pas de même. Puis la vie essaie de te le montrer. Check, check, check, check. C'est de la manipulation. Check, c'est une projection de quelque chose qui est pas réel. Fait que, mais ce recul-là, c'est pas donné à tout le monde. Puis ça crée pas, ça fait pas en sorte que quelqu'un est supérieur à un autre. Ça va peut-être engendrer des souffrances différentes. Parce que je pense qu'une personne qui a une perspective que la pensée vient d'ailleurs vit encore des tensions, mais sur un autre plan que la personne qui vit des émotions. Oui, exactement. La personne peut vivre des tensions psychiques qui sont différentes que des tensions émotionnelles ou psychologiques. Exactement. Mais dans tous les cas, les gens sont sous tension parce que quelqu'un qui s'émancipe du plan astral peut être attaqué par le plan astral, puis il peut être confronté aussi par rapport à des énergies éthériques qui cherchent à l'ajuster. Ça prend une capacité de résilience énorme. Il faut, dans le fond, l'esprit, essentiellement, la seule raison pourquoi ça peut résister à toutes les oppositions, c'est qu'essentiellement, c'est des oppositions qui sont générées pour rapprocher l'ego de l'esprit. Pour l'amener à un état, un sentiment, une conscience qui est douloureuse en quelque sorte pour un corps humain. C'est douloureux de savoir certaines affaires dans un monde comme on vit là. C'est douloureux de vouloir aimer les gens puis de voir que les gens sont pas vraiment capables d'accepter l'amour. Oui, ben c'est très lourd à porter. C'est sûr que ça peut occasionner beaucoup de déception pour, par exemple, la personne qui, spirituellement, veut bien faire, elle veut aider les autres, puis les autres la rejettent, ou elle le traite d'imbécile, ou un peu comme, Jésus qui voulait sauver le monde, il finit crucifié. Oui, parce que les gens sont, ils n'ont pas besoin d'être sauvés. Ils disent qu'ils veulent être sauvés, mais ils n'ont pas besoin d'être sauvés. Fondamentalement, l'humain est toujours, toujours, toujours dans son plan de vie. Il est toujours guidé de son esprit. C'est l'énergie qui le guide. C'est l'énergie qui fait bouger ses bras. C'est l'énergie qui fait respirer. C'est l'énergie qui fait battre le cœur. Puis nous autres, on dit, ah ben là, c'est-tu le cerveau ou le cœur qui est le plus important? Parce que l'autre, il peut-tu battre l'un sans l'autre? L'autre peut-tu fonctionner sans ça? C'est pas important, ça. C'est l'électricité. Puis l'électricité, c'est quoi? Tu sais, quand du courant électrique qui passe dans un fil, ça crée un champ magnétique. Ben, c'est ça. Il y a de l'électricité qui passe, puis les gens vibrent à certaines affaires. D'autres choses, ils vont vibrer. Ils vont être capables de l'encaisser, de le voir, de le digérer, puis ça va être utile. Ils vont apprendre quelque chose, puis d'autres personnes, ça crée une pression. Puis la pression est nécessaire parce que c'est pour faire comme sortir un peu, comme quelqu'un qui resterait toujours dans sa chambre. T'sais, à un moment donné, il faut que tu ailles dans le salon, là. Va dehors, tu sais. Sors un peu de ce qui est connu, tu sais. Puis ça prend quelqu'un ou un événement ou quelque chose qui nous met en tension. Fait que les événements qui se passent en ce moment, c'est super pour ça. Si on peut partir avec le principe que le but, c'est pas d'être heureux, mais de plutôt être capable de développer une capacité adaptative à la mesure de ce qu'on est vraiment, on va pouvoir voir les temps qui s'en viennent comme étant des temps de grande évolution. Puis d'autres personnes vont le prendre émotionnellement, vont vivre beaucoup plus de difficultés sur le plan physique puis émotionnel, je parle. Bien, c'est sûr que tout est reçu selon la forme du récipient, là, pour prendre un célèbre adage. Mais c'est sûr qu'à travers des temps plus difficiles, parce que dans le fond, la minute que la crise sanitaire, bon, ça tomberait dans les prochains jours, puis les mesures au Québec, même si ça arriverait, on serait confronté tout de même à une méga crise économique à cause de l'inflation. Puis, comme tu disais tantôt, il y aura tout le temps, probablement tout le temps des crises. Donc, moi, la façon que je vois ça, c'est d'être capable de composer intelligemment avec l'adversité. Puis là, c'est sûr qu'on est dans une zone de tension sociale quand même grandissante là, depuis 2 ans. Puis là, moi, je sens l'escalade entre d'un côté les vax, puis entre guillemets les anti-vax. Mais en réalité, c'est souvent plus des pro-choix parce que des gens qui sont purement anti-vax, à part Jean-Jacques Crèvecoeur, qui dit ça ouvertement, les autres, que ce soit Dan Pilon, Jonas Collin, il y en a plein d'autres lanceurs d'alerte que non, ils sont pro-choix, mais ils sont diabolisés comme anti-vax. Mais quoi qu'il en soit, le clivage social, moi, de mon vivant, puis j'imagine c'est la même chose que toi, t'as jamais expérimenté ça d'une manière telle là, avant la crise, là. Non, puis en même temps, pour moi, ça fait pas de différence parce que rare, mettons, honnêtement, je dis ça, puis sous toute réserve, parce que je suis toujours ouvert à avoir un débat avec quelqu'un par rapport à la crise. Parce que, étant donné que je passe beaucoup de temps, moi, seul, à lire, à étudier, à faire toutes sortes de choses, m'informer de plein de choses qui m'intéressent, basées sur mon mouvement, ben, cette crise-là, ça m'a intéressé beaucoup. Donc, depuis le début de la pandémie, j'ai étudié, puis je suis ça, j'arrête pas. Mais je rencontre jamais personne qui a un argument, mettons, oppositionnel avec moi. Je rencontre souvent des gens qui sont juste tannés. Puis, ça serait intéressant de voir jusqu'à quel point les gens qui tiennent des positions, comme mettons les gens qui écrivent les articles de journaux, d'avoir un débat avec eux autres, de voir jusqu'à quel point ils n'en savent pas vraiment. Tu sais, parce que dans le fond, tu écris des choses qui sont basées sur aucune recherche scientifique, c'est des oui-dire, c'est de la pseudo-science. Ah, oh, s'il y avait eu ça, s'il n'y avait pas eu de vaccination, il y aurait eu tant de morts, tu dis ça basé sur quoi? Ah, oh, pas de preuves, là, pas de source, mais crois-moi, là, tu sais. Fait que, je pense que la plupart du monde sont juste tannés, mais c'est pas un. Il n'y a pas vraiment de débat à avoir. Débat, il n'y en a pas de débat. Le monde, ils Ben, font juste faire c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont que à faire. c'est parce que présentement, si tu regardes les médias de masse, ils n'en veulent pas. Il y a eu des gens qui ont signé des pétitions pour qu'il y ait des débats sur la chaîne d'État, Radio-Canada, qui est payée avec les taxes et les impôts des gens. Puis eux autres, ils veulent pas qu'il y ait des spécialistes, par exemple, des gens qui sont pour ou contre les mesures, prennent la parole, qu'il y ait des panels d'experts. Non, non, ils n'en veulent pas de débats sur la place publique. Tout ce qui est sur Internet est monitoré. Fait que, tu sais, c'est bien dommage, les débats puis tout ça, mais ça change quoi? Écoute, il y a du monde qui envoyait des millions de dollars aux truckers puis ont réussi à geler les fonds. Je sais pas si ça a été dégelé. Ça, mettons que ça a été Ben, gelé, dégelé puis regelé. si on parle de GoFundMe, pour être plus précis, où est-ce qu'il y a eu des millions de dollars justement qui ont été accumulés, ce qui est arrivé, c'est que l'organisme GoFundMe ont bloqué à un moment donné en disant, ben écoutez, par rapport aux manifestations qui ont eu cours, il y a eu des comportements inappropriés qui ont été tenus par des manifestants. Donc, à ce moment-là, à l'origine, ils voulaient prendre l'argent puis donner ça à des œuvres de charité. Finalement, il y a eu de la contestation, puis ça a été bon parce que ça a forcé GoFundMe à redonner l'argent aux gens qui avaient contribué à la campagne là, de socio-financement. Puis là, par la suite, s'est développée une autre plateforme. En fait, les gens ont été redirigés vers une autre plateforme qui n'est pas GoFundMe, où ce que là, c'est une plateforme américaine de socio-financement, puis là, ils ont ramassé plusieurs millions là, pour les camionneurs. C'est des beaux gestes de la population, mais il faut faire attention avec tout ce qui est attrait à la technologie. On le voit là. Si le gouvernement peut commencer à prendre des décisions, écoute, GoFundMe, là, techniquement, il devrait dire, toi, là, le gouvernement, ferme ta gueule. C'est pas de tes crises d'affaires. Ben C'est c'est pas de tes ça, crises il d'affaires. devrait pas faire ingérence, mais de ce que Ben non. j'ai compris, c'est qu'il pouvait avoir en partie de l'ingérence gouvernementale, mais aussi de l'organisme GoFundMe qui ont un droit de regard Ben c'est sûr. dans le sens qu'il faut pas qu'il laisse, mettons, une cause à caractère raciste, sexiste, misogyne, extrême droite, là, prendre de l'ampleur, parce que ça va à l'encontre de leurs valeurs et de leur éthique. C'est une guerre de woke contre des gens avec un bon sens, puis du monde entre les deux, on dirait. C'est comme des visions, les visions woke. Des fois, je regarde ça, puis ça a le droit d'exister, puis j'ai rien contre ça, comme je disais tantôt. J'ai pas de position par rapport à ce que les gens veulent faire de leur vie, mais de renforcer une faiblesse en la transformant comme une qualité, là. Tu sais, mettons. T'as un surpoids, t'es malade, t'as des problèmes de santé, mais tu te mets à toi-même à faire croire que ça, c'est le nouveau sexy, c'est dangereux. C'est Ben dangereux penser oui, de même. ben oui. Parce que dans n'importe quoi, il y a toujours quelque chose de c'est toujours équilibré. Il y a du vrai, puis il y a du faux. Tu sais, dans le sens que il y a des gens qui peuvent être en surpoids, puis être en pleine forme, puis s'accepter, puis il n'y a pas de problème. Comme il y en a que non. Mais faut que t'aies la capacité de discernement, de voir qu'il y a quelque chose qui est off là-dedans. C'est genre, tout le monde peut être ce qu'il veut, là. T'as plus le droit de dire que t'es un homme ou une femme. Tu peux dire, je suis juste binaire. C'est parce Un qu'à un moment donné, non-binaire. Tu peux dire que t'es un non-binaire. ben, c'est qu'à un moment donné, c'est le fun de se donner des titres, puis de se mettre dans des nouvelles formes, puis tout ça, mais où est-ce que ça a de l'utilité? Parce que le but, c'est pas de se créer une forme nouvelle. Le but, c'est de déconstruire la forme pour en comprendre les mécanismes. De voir comment ça marche. OK, je suis un homme ou une femme, puis là, j'ai une grande polarité opposée. OK, mais c'est quoi ce phénomène psychique-là? C'est quoi ça, tu sais? Puis la personne, si elle a besoin de faire une transformation de sexe, parce que ça fait partie de son plan de vie, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, il va falloir sortir de l'idéologie de ça, puis rentrer dans la réalité de ça. Une personne qui est homosexuelle, c'est pas débattable, elle est homosexuelle, elle a le droit de vivre sa vie d'homosexuel. Pas de problème avec ça. Puis il n'y a personne qui devrait dire quoi que ce soit par rapport à ça, je suis d'accord. Mais ça devrait être important aussi de comprendre les phénomènes puis de pas commencer à créer des phénomènes qui sont pas justifiés. T'sais, il y a toutes sortes de nouvelles modes puis des nouvelles affaires puis ça manque totalement d'esthétique, ça manque de beauté, ça manque d'ordre. Ça renforce la faiblesse de la conscience humaine qui est très psychologique. Ça enchaîne. Fait que le but, c'est de se désenchaîner des formes. Puis le mouvement, semblerait-il, de gauche ou de droite à l'extrême, c'est des grosses rigidités, beaucoup de rigidité dans la forme, beaucoup de prise de position émotionnelle par rapport à une idéologie. Puis ça, c'est jamais bon, ça. Parce que mettre de la valeur dans les affaires, c'est correct, mais à un moment donné, il faut comprendre que la vie, elle a une valeur. C'est la valeur est dans la vie, est dans le mouvement de la vie, et pas dans les différentes facettes de ça. Parce que là, quand on se fait enlever nos valeurs, ben là, on vient tout à l'envers. On vient tout débalancer. Puis c'est correct d'être débalancé, mais il faut être capable de reprendre le cap. Puis il y en a certaines personnes, surtout avec les événements qui se passent, c'est que ça crée beaucoup, beaucoup, beaucoup de chocs dans une courte période de temps. Puis à un moment donné, ça devient dur de reprendre le cap. Parce que si déjà la fondation n'était pas très solide, si tu envoies des coups de 40 mm, des canons de 40 mm, sa structure, tu vas peut-être éviter 4-5 coups, là, mais à un moment donné, ça va finir par percer. Fait que c'est ça qu'on voit tranquillement. T'sais, au début, il y avait des gens qui. Si vous voyez, ils projetaient, ah, il va y avoir plein de suicides, il va y avoir des faillites. Bon, il y en a eu moins qu'on pensait. Mais la construction de croyances aussi polarisées dans la société, ça, même si la COVID finit, ça va rester pendant un bon bout parce qu'il y a beaucoup de tensions entre certaines personnes. Puis ça vient beaucoup plus du fait de c'est qui. Quelqu'un veut absolument avoir raison puis ne veut pas perdre la face. Exactement. Puis l'ironie du sort, c'est qu'on a vu François Legault qui dit, pour préserver la paix sociale, il n'y aura pas d'impôt contre les non-vax. Pour comme dire, ben là, je vais faire l'unité, puis ça fait 2 ans qu'il divise les gens, puis c'est lui qui a mis en place le passeport sanitaire. Tu parles d'une belle hypocrisie de sa part. Ben oui, puis c'est quasiment du trolling, ça. Il savait depuis le début qu'il pouvait pas faire ça. C'était du bluff. Oui, exactement. D'ailleurs, Éric Duhaime l'avait dit. Il disait au niveau constitutionnel, ça passerait pas, la Ben non. taxe santé. De toute façon, les revenus de la santé qu'ont les transferts aux provinces, ça vient du fédéral. C'est géré par le fédéral. Fait que, il faudrait que ça vienne du fédéral. Puis encore là, au niveau de la Constitution, ça respecte pas le principe, d'universalité des soins de santé. C'est particulier que des fois, il y a des choses qui passent pas à cause de la Constitution, puis à cause d'autres choses passent malgré la Constitution. Ça, j'ai pas encore compris pourquoi. Ah ben c'est sélectif en fait, de ce que j'ai compris, c'est par rapport les droits là, de la Charte des droits et libertés, présentement, depuis le début de la crise, est suspendu au nom de la menace de l'urgence sanitaire, ce qui fait que le principe de la survie du collectif prime sur ses droits, puis les droits relatifs à la Charte des droits et libertés sont des droits justement qui sont relatifs et non pas comme absolus. Donc, ils sont relatifs selon le contexte. Si le contexte s'y prête, tu as le droit, mais en temps de crise, ça peut être justifié au gouvernement d'avoir préséance avec des consignes sur ses droits. Dans le fond, c'est juste des feuilles de papier. Oui, bien, c'est des droits théoriques que si tout va bien, tu as le droit à ça, mais si, ça va, si on dit que ça va mal, ben là, on t'annule tes droits. Puis ça peut se faire à n'importe quand. C'est pour ça qu'il faut s'adapter parce que on n'est pas protégé, là, t'sais. Au début, il y avait peut-être un peu d'espoir dans la population. Oh, ben ces droits-là vont me protéger. Finalement, ces droits-là, c'est rien, là, c'est du papier mâché. C'est-à-dire qu'ils sont conditionnels au bon vouloir du gouvernement puis à la notion d'urgence sanitaire. Fait que tant que Ah oui. le principe de l'urgence sanitaire tient, ben, le gouvernement dit, ben, on est justifié de suspendre vos droits parce que le collectif est menacé. Donc, à ce moment-là, on Mais y a. même ce prétexte-là que la collectivité est menacée est même pas fondée elle-même. C'est ça, puis l'ironie du sort, c'est que le gouvernement n'a pas à faire la démonstration logique en s'appuyant sur des preuves, des experts, que la menace est réelle. Il faut juste qu'il, dans le fond, C'est quoi qui... Parce que j'ai écouté des avocats parler là-dessus, là, dans des médias alternatifs, puis de ce que je comprenais, c'est qu'il n'y avait pas à faire la démonstration de l'efficacité du moyen à partir de preuves scientifiques comme le port du masque. Il y a tout simplement à dire que le moyen est une tentative rationnelle de faire face à la menace, comme porter le masque par rapport à un virus, pour être justifié. Ouais, mais c'est ça, c'est comme des mensonges construits sur d'autres mensonges, puis quand le premier mensonge est tellement loin derrière, mais t'oublies, fait que tu prends le prétexte que, ah, ben, la COVID, c'est dangereux, tu sais. Ben, Puis c'est oui, c'est ça. dangereux, mais c'est pas dangereux, tu sais. C'est toujours une question de perspective. C'est dangereux pour cette personne-là, mais est-ce que c'est plus dangereux d'empêcher une société de se mettre en mouvement? Tu sais, c'est des pour et des contre, fait Ben, c'est que. ça, c'est que le remède est pire que le médicament, de ma perspective. C'est-à-dire, les mesures de contrôle sont pires que de laisser circuler le virus dans le sens des dégâts collatéraux. Si on parle des jeunes qui ont des idées suicidaires, ensuite les personnes âgées qui, dans certains cas, sont mortes d'ennui. Il y a des recherches scientifiques qui ont sorti récemment par rapport à ça. Puis ce qui expliquait, c'est que en réalité, les personnes âgées qui, pendant les périodes de confinement, n'ont pas eu de visite en personne ou visite virtuelle à partir d'une tablette, parler à un proche, bon, ben ces gens-là ont eu plus tendance à mourir que ceux qui avaient de la visite, puis à se Ben, laisser c'est mourir. sûr, c'est Donc, sûr. mais là, moi, avant la crise, je savais que ça ferait ça, mais là, on a les données qui confirment ça. Donc, Ouais, c'est... mais c'est des données. N'importe quelle personne qui a du GBS, du gros bon sens, qui a de voir que c'est pas intelligent. Ben oui, on le savait déjà, Chris, mais ça prend 2 ans pour que là, on nous donne la confirmation de tout ça. Puis là, c'était une étude en lien avec l'Ontario qui avait sorti avec ça récemment. Mais ce qui m'écœure, c'est la dimension expérimentale de la Terre, que tu sais des choses, puis là, ça prend 2 ans qu'ils en viennent à la même conclusion que toi, tu sais. Ben, ça, c'est ça. N'importe quelle personne qui est sur le contact va avoir ce problème-là. Malheureusement, c'est la réalité dans le sens que. Parce qu'il y a une voyance. Quand tu regardes un pattern, tu es capable de voir comment il peut s'échelonner dans le temps. Fait que Exactement. si tu vois un pattern dans la société depuis des années, parce que tu connais l'histoire, tu as fait des recherches, tu as lu, tu sais comment ça fonctionne, ben, tu vois bien qu'il y a des crises. Les crises, c'est toujours créé à partir de rien. Pour offrir une solution. Le but de la crise, c'est pas la crise. Le but de la crise, c'est la solution à la crise. Ouais, C'est comme ben, ça, t'implantes. moi, je trouve la meilleure explication en lien avec ça, c'était Klaus Schwab avec le livre qui est sorti lors de l'été 2020, qui expliquait que la crise du coronavirus, c'est une occasion pour mettre en place le grand reset, la grande réinitialisation de la société. Donc, c'est un instrument par rapport à ça. Donc, instrumentaliser la crise pour amener la quatrième révolution industrielle un peu partout. Avec l'informatisation, les robots, puis bien entendu, l'identité là, numérique, là. Ouais, puis on verra. Hein. On verra. Parce que le gouvernement québécois, avec son identité numérique, là, qui tient sur lui, là, tout seul, là, puis le gars, Éric Kerr, là, Oui. ils se sont fait hacker le code QR, même pas avant qu'il soit sorti. Ben... T'as peu, là. Ça prend du monde calé en esti pour faire des systèmes de même, puis que ça fonctionne. Là. Parce que, imagine le Québec, là, qui est pas capable de faire de l'argent avec le cannabis, quasiment. Là. OK? C'est incroyable. Ils vont mettre ça en place. Là. Puis là, il va y avoir du monde important. Ça va bugger. Mais ce monde-là, ils vont fonctionner selon les règles. Tu penses-tu qu'ils vont être en tabarnak? Ben, c'est sûr. Parce que c'est sûr que ça va bugger. C'est beaucoup trop complexe pour une société qui n'est pas dans la technologie comme nous autres. La Chine, ça va. C'est le hub de la technologie. C'est le hub de tout ce qui est électricité, des cartes mères, des ci, des. N'importe quelle technologie, ils peuvent te faire un téléphone comme un buffet là-bas. Là. Tiens, tu veux un téléphone comment, là, avec une vitre de même, puis tu sais, c'est extraordinaire, eux autres, toutes les avancées technologiques qu'ils font, puis en plus, ils pensent tous de la même façon. Je généralise pas, là, mais il y a un gros mouvement là-bas qui pense de la même façon. Donc, s'ils décident qu'ils implantent quelque chose, ils ont les ressources pour l'implanter. Mais nous, je pense pas, malheureusement, qu'on a les capacités technologiques. Puis même au niveau du budget, tu sais, c'est quoi? Ça va coûter ça. T'imagines-tu comment ça va coûter tout ça? Ben, c'est sûr, ça va coûter plusieurs millions, voire des milliards, l'implantation de l'identité numérique. C'est prévu pour bientôt, dans le sens avec le portefeuille numérique, tu aurais la carte d'assurance maladie, ensuite tu as ton compte bancaire, tu as tous les éléments. Puis l'ironie du sort, un peu comme tu le disais, C'est qu'au Québec, on est une gang d'incompétents avec le code QR qu'on voulait implanter lors du septembre 2021. Bon, mais il n'était même pas sorti, puis il était déjà piraté. Fait qu'imagine qu'est-ce qui peut arriver avec l'identité numérique. Puis en termes de dégâts, si t'as des données financières là-dessus, en plus de tes données de santé, puis ton statut vaccinal. Ouais, écoute, imagine là que tu as on va dire une puce, mais je parle pas d'une puce en dessous de la peau, je parle juste, mettons, d'une chip comme une carte de débit, là, tu sais, que tu payes avec le PayPass. Oui. Mettons, tu payes avec ça, c'est une carte. Puis tout ça, tout le data qui est sur ta carte, mais il n'est pas sur ta carte, mais l'information qui est générée par le signal, ben, c'est autant, si ton compte bancaire est lié avec ton compte, ton dossier médical, puis tes impôts, puis tout. Mettons là, que tu vas acheter dans un dépanneur louche là, dans Montréal-Nord, puis que eux autres, ta carte de guichet, là, ils aiment ça, la poignée, ils veulent voler ton argent, ils ont tout accès à tes affaires. Comment ils vont faire? Tu sais, ça prend de la très, très, très haute technologie pour être capable de faire ça de façon sécuritaire, puis pour pas que ça plante. Parce que tu imagines la grosseur des serveurs puis des réseaux pour runner quelque chose de même pour 8,5 millions de personnes? Et c'est la raison pour laquelle que ça nous prend un réseau 5G, puis on se dirige vers ça, entre autres, dans la ville de Montréal. Ouais. Fait que, Peut-être que dans un moi, je premier temps, pense ils vont que ça va l'implanter. commencer. Vas-y, excuse-moi. Excuse-moi, ben, je vais finir. Moi, j'ai l'impression que s'ils implantent un système comme ça d'identité numérique dans un premier temps, ça va se faire à Montréal en corollaire avec l'implantation du réseau de la 5G. Oui, puis ça va se faire dans les grandes villes, peut-être, ou tu sais, il va y avoir des choses plus technologiques dans les grandes villes, puis il y en a un autre qui va tirer de la patte en arrière. Moi, ce qui m'inquiéterait, ça serait que les comptes en banque deviennent, genre, directement sous les jougs du gouvernement. Puis en même temps, je me dis, il les tue pas déjà? Tu sais, dans le sens que peut-être ça va être plus facile après ça de dire, ah, t'as pas le droit de faire ça parce que t'as été un mauvais garçon. Mais, tu sais, quelqu'un qui paye pas ses impôts, là, ils peuvent aller faire des saisies de salaire sans ton consentement. Exactement, puis ça serait directement prélevé dans ton compte avec l'identité numérique. Dès que t'as de l'argent, là, t'appartiens à la machine. Fait que, peu importe où tu mets ton argent, puis même, tu sais, moi j'ai investi en crypto, mais même la crypto, là, si c'est les mêmes milliardaires qui ont acheté toute la crypto, ben je sais pas moi, que il y a quelqu'un qui a une grosse masse de crypto puis il peut faire bouger les marchés comme il veut. Ça l'a autant, t'es autant libre qu'avec ton argent dans ton compte en banque. Ben, c'est ça, ça peut être sujet à manipulation, là, tu sais, où ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, donc Ouais. c'est un petit peu ça, mais on se dirige vers l'arrivée du double numérique pour chaque être humain. Donc, au lieu du, on parle dans le domaine du supramental, de l'émergence du double éthérique au sein des individus qui vivent la fusion, mais pour les êtres humains qui vivent la fusion avec la machine, en référant de plus en plus à une dimension numérique par rapport à l'identité, là, t'sais, en étant sur le web, etc. Mais les gens vont se ramasser tantôt si la tendance se maintient avec un double numérique comme dans un système comme le crédit social en Chine. Ah ouais, ça serait. J'espère que ça sera pas que les visions que j'ai par rapport au monde virtuel sera pas telles que ce que je vois là. Parce que on dirait que c'est ce que l'humain il veut essentiellement, c'est d'arriver à un point d'arrêt de mouvement. Il veut vivre le maximum d'expérience avec aucun mouvement. Le plus haut degré de stimulation, mais avec le plus bas niveau d'effort. Fait que ça, c'est dangereux, tu sais. Mais juste pour faire une petite parenthèse par rapport à la réalité virtuelle, il va y avoir des gens là-dedans qui vont vivre là-dedans. C'est évident, puis je sais pas jusqu'à quel point la technologie va nous le permettre, mais n'importe quelle personne qui a vu un peu les séries Black Mirror, là, où il y a une affaire, c'est un jeu vidéo à un moment donné, puis tu deviens comme dans une réalité altérée. T'es dans le jeu vidéo, puis ton corps est comme dans un état de transe inconscient. T'es comme fait une sortie hors corps, dans le fond, là. Si ça pourrait se rendre à stimuler le système nerveux comme ça, puis te faire vivre des sensations, on aurait une perte. Il y aurait quelque chose de dangereux qui pourrait se produire au niveau de l'âme. Ben, certainement, moi j'ai l'impression que Mark Zuckerberg, là, avec son métavers, là, où les gens vont pouvoir vivre dans un environnement en trois dimensions, on se dirige vers ça. Mais il va falloir que ça aille au-delà du audio-vidéo. Ah non, non, mais ça va être plus que ça. Tu sais, les gens vont pouvoir mettre, admettons, un casque sur la tête, puis ils vont voir Donc c'est. une réalité augmentée là, en regardant à gauche, à droite. Ouais, mais ça va pas changer les sensations dans ton corps. Ça va pas te faire vivre des émotions. Ah, ben, la perception, les images, le son que tu entends, ça induit des états d'être. C'est sûr que ça pourrait aller plus loin que des électrodes branchées sur le cerveau qui vont induire à partir de courants électriques cibler certaines zones d'activité du cerveau. C'est une pente glissante, mon gars. Ça, c'est clair. Très glissante. Puis malheureusement, c'est les gens qui n'ont pas beaucoup de centre de gravité qui vont être les plus pénalisés dans un mouvement comme ça. Donc, on va terminer l'enregistrement. Et puis, écoute, Olivier, ben, comme à l'habitude, là, je te remercie là, pour le temps que tu as consacré là, à cette discussion. Ben, je te remercie à toi aussi de m'avoir reçu. Ça a été très agréable. Toujours un plaisir de parler ensemble. Puis à travers le temps, on fait une étude de ce qui se passe, puis ça devient de plus en plus clair, tranquillement, pas vite. Oui, exactement. Les choses se clarifient avec le temps. Donc, écoute, je te dis à bientôt, puis bonne fin de journée. Bonne fin de journée.